Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Ah, incroyable. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast un petit peu particulier parce que c'est un crossover, ni plus ni moins un crossover, puisque nous accueillons dans cette émission l'équipe de Rap-Jeu. Applaudissements. Oh là là. Une partie de l'équipe, je sais que c'est une multinationale qui a énormément de gens derrière tout ça. Le premier, c'est l'animateur de Rap-Jeu, on l'appelle aussi Migo Saliagas, Jules Yann Lepers, Sam Suel Etienne ou encore Laurence Bosch-Cholini, j'en ai 22. Oh là là, j'en ai 20. Impressionnant. Si vous aimez les jeux de mots un peu ratés, restez jusqu'à la fin de cette émission, c'est Mehdi Maizi. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Très heureux d'être là. Et comme tu l'as dit, effectivement, nous sommes quatre, mais il y a toute une équipe Rap-Jeu. Mais, voilà. Mais en tout cas, très heureux d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. On va dire que là, t'as quand même ceux qui comptent, quoi. Le reste, bon. Ouais. Comme Vincent Pérez a besoin de Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, Mehdi Maizi a des auteurs qui lui souffrent anecdotes et vannes, pardon, et qui parfois sont obligés d'intervenir sur un truc. C'est Guerenfal et Yerimsa. Bravo! Mon prénom était presque bien prononcé. Ah, regardez, t'as bouffé pourtant, le. On a révisé. En fait, c'est Lionel. C'est mon prénom, ça fait aussi un crossover entre Guiran et Kerenan. J'ai dit. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai l'air d'un breton. Bah je suis désolé. Que Kenavo et tout ça. Kenavo. Il est producteur de Rap-Jeu. En gros, si Rap-Jeu était Eminem, il serait Dr. Dre. Si Rap-Jeu était Natacha Saint-Pierre, il serait Pascal Obispo. Oui. Si Rap-Jeu était Pulp Fiction, il serait Harvey. Allez, c'est Aznak Lefebvre. Ah oui! Bravo! Bravo! On est dans le Floodcast. Floodcast, j'ai raté le nom de ma propre émission. Non, on est dans le mais Floodcast. Ça, c'est pour te rattraper d'avoir raté son prénom. Tu dis, ah non, c'est pas perso, je rate tout. Même nous sommes dans Thalassa. Nous sommes dans le Floodcast versus Rap-Jeu. Et c'est déjà mon épisode préféré. Oh là là, il est très fort. Il est très très fort. Incroyable. Ouais. Sauf qu'on n'a pas la thune de Red Bull. C'est, voilà, ça, c'est la seule différence. Oui, je t'ai pas présenté, Adrien. Voilà, je disais, ça a tenu deux émissions, après t'as arrêté de me prendre. Et il y a Adrien. Alors, bravo, bravo. Donc ouais, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on a décidé avec Adrien de faire un espèce de un rap-jeu en fait, ni plus ni moins, pour tester. On dit une espèce de rap-jeu. C'est vrai. On c'est est vrai. Quand même en France. Ça commence fort. En fait, perso, j'ai pas de nationalité, je vois pas les couleurs, je suis extrêmement woke, donc je suis désolé. Hein. Pardon, j'avais parlé de ton Sarwell. Ouais, on va mélanger Floodcast et rap-jeu, mais ça va surtout être rap-jeu. En vérité, on a préparé des petits jeux avec Adrien pour tester vos connaissances. Voilà, c'est un rap-jeu de gens qui s'y connaissent pas tellement en rap. Oh, arrête, Adrien. Et qui vont interroger des gens qui s'y connaissent très bien. Donc ça va être un jeu peut-être un peu rapide. Basé sur l'humiliation, comme les émissions de télé japonaises. Si rap-jeu était un game show japonais. Ok. Donc, nous allons faire deux équipes. Ouais. Sachant que, en vrai, Adrien, t'as préparé un jeu parmi tous les jeux. Oui. Donc, il y a un moment où on devra changer de place. Quand on dit préparer, c'est un truc que je recycle d'un vieux truc. Donc, Et vu qu'on est un nombre impair parce que tout est très bien préparé, je propose que Yerim, tu sois goal volant, que tu changes un peu d'équipe à chaque manche. Tout à fait. Comme dans Rap-Jeu, on va chacun choisir. Tu viens de résumer son parcours politique. Comme dans Rap-Jeu, pour choisir une équipe, quelle est la dernière personne que vous avez follow sur Insta du côté de j'ai cru que ça allait être tellement plus sale. Ouais. Non, bonne question. On peut ça peut être sale, hein. Ça, on peut, tu sais, ça peut on aller peut très vite. Ça. Comment tu le moi, vois, j'attends ça juste une autorisation de ta part. Ça peut aller très très vite. Regarde juste si je mens ou pas. Flaubert, je crois que c'est toi. Oh, wow. Ça me fait très plaisir. Comment tu vois ça? Je sais pas, bon, c'est plus un truc de mémoire, hein, tu te souvenais de qui t'avais. Profil, abonnement et tu fais trier par le plus récent, bien sûr. Ah ouais, c'est génial. Eh ben attends, je vais dire ça tout de attends, suite. Attends, c'est Internet. Ah ouais. Eh ben écoute, donc je te réponds. Bah, je t'en supplie. C'est le rappeur SDM. Très bien. Et voilà. La première manche, c'est trouver la marque. Donc l'équipe, c'est qui là? C'est nous deux. Vous deux. Donc Adrien et moi contre. Et donc voilà. Là, Yerim est avec quelle équipe là? Bah, c'est lui qui choisit. À chaque manche, tu choisiras. Ouais, c'est ça. C'est génial. Il alterne, okay. Mais il commence avec ça qui? Ça a toujours été le Joker en même temps. Bah, c'est pas un Joker, pour moi, c'est vraiment. Tu es Bayrou. Tu peux faire tout basculer, comme tu veux. Mais t'aurais pu dire Manuel Valls si tu l'as pas dit, ça me fait très plaisir. Non, parce qu'il y a du respect entre nous, ça c'est important. Tu veux commencer avec quelle équipe? Vas-y, je vais faire par... SDM, il est avec nous. Allez, avec la team SDM. La première manche, alors bon, on n'a pas de buzzer et trucs, donc je le ferai de façon complètement impartiale, évidemment. Je vais vous dire un nom de rappeur. À vous de me donner sa marque de fringue. D'accord. Si... ni l'un ni l'autre n'a la réponse. Vous pouvez inventer et celui qui me satisfait le plus, je lui donne le point. C'est totalement arbitraire, j'aime bien. Y a rien. C'est très rap jeu quoi. Globalement, on respecte le truc. Hein. On est à fond. Donc, je commence de façon un peu facile. Booba. Uncut. Allez. Non, c'est plus disconnected. Disconnected maintenant. Excusez-moi. Faut préciser la temporalité. Bah non, parce que techniquement en plus Uncut c'était pas sa marque, c'était la marque de deux personnes. Ah, tu donnes les bases. Espèce de poucave. Non, c'est vrai qu'il faut parler, ça dépend de quelle année on parle en fait. Bah parce maintenant on parlait de maintenant. Alors c'est la même chose. Mais alors à ce moment là tu peux même dire truc Haze qu'il avait période 45. C'est vrai. Mais disons que la marque la plus emblématique c'est Uncut, mais c'est vrai qu'actuellement c'est Disconnected, il a raison. J'aime que tu gagnes un tout petit peu de somme ou pas? Oh, pas du tout. Si. Je suis pas belge, moi, non, y'a pas de problème. Connard. Peut-être passer à la prochaine. La phrase entière serait non. Je suis pas belge, je suis algérien. C'est clairement en termes de somme. Regarde, les gens n'ont pas l'image, mais la langue est sortie. J'ai reçu un message vocal sur votre tête. La section d'assaut. Watibé. Oui, 2 points. Orelsan. Le truc de... Avenir. Mac Tire. Untouchable. Oh là là, très bien joué. Ou aussi N-Touch. Peut-être 2 points parce qu'il a une nouvelle marque. je demande. On va t'avouer un truc. Attends, c'est avec Kirim, on aime bien faire des vannes. Mais c'est vrai que là, n'étant pas rémunéré, il y aura beaucoup moins de vannes. Moi, clairement, je vais manger ma pizza. Dans ma tête, je repartais chez moi. Nous, on est venus pour l'offre snacking, clairement. Bah, je suis très déçu, je te le cache pas. Ok, bon bah je vais au fin fond du rap du coup. PZK. Oula. Je crois que c'est eux qui font la marque Jacadi. Non, réalité, non, c'est eux derrière. Bah, si, c'est l'Empire Jacadi, c'est mais PZK derrière. Non, PZK, ils font la marque Babtou Lives Matter. Oh, elle est bien. Un point pour la team Yerim, évidemment. Faut savoir que ces t-shirts existent. Oui, ils n'ont pas de lien avec PZK. C'est Babtou Solide la marque. Alors, il y en a deux. Non, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Ouais, forcément. Il y a une filiale maintenant. C'est Babtou Solide, et là, ils ont sorti du coup Babtou Lives Matter. Une collection capsule. C'est une collection. Attention, c'est l'équivalent de notre Red Bull ici. Donc, cette marque. Doucement. Attention, là, un petit voyage dans le passé. Joe Star. Comate. C'est peut-être là. Ouais, bah il était plus rapide. J'essaye de trouver des trucs, mais. Ah ouais, non. Non, y'a rien. Le Rome Poirier, c'est ça que j'ai triste. Oxmo Puccino. Alors là. Renault Clio. Non, c'est pas. C'est un piège. Clio ne lui appartient pas. C'est pas sa marque. Oxmo, il avait une marque Oxmo. C'est un piège, il y a pas de marque. Emmanuel de Fursac. De la veine. Un point. Ouais, un point. Non, il y avait pas de marque. Ah donc il suffit. Il y a pas de marque. Okay, il suffit de citer des marques. J'ai donné la bonne réponse. De quoi? Bah, j'ai donné la bonne réponse. T'as dit quoi? Il y a pas de marque, j'ai dit. Ah oui, mais c'était fallait inventer du coup. Ah ouais, d'accord. C'est une prime à l'innovation. On sent que je suis. T'es boycotté, mon gars. Attends, ouais, clairement. Et du boycottage. C'est du racisme anti-blanc. C'est ça. D'accord. Pour moi, mes yeux. Attention, Caris. Jeune riche Paris. Chanel. Vous avez mieux ici. J'ai dit. Jeune riche Paris, c'est ça le titre. Bah non, parce que. Sinon, t'avais BTTF, mais qui l'a plus. Back to the Future. D'accord. Ouais, sinon, il y a Kill ou tout. Non, c'est quand même le point pour ma droite. Attention, Soprano. Oula. Non, ça c'est son label, Street Skills. Soprano. C'est vrai qu'on n'est pas fait, du tout dans la vanne. T'as fait la méthode de. J'ai pas la réponse, mais je sais. Ouais, non, ça c'est son label, pardon. Ça c'est son premier album. Ça c'est date de naissance. Je connais beaucoup du pareil même. HBO. Oh oui! Ah, c'est excellent! Pas mal. Ah oui, j'aime bien! Ça, c'est une vanne de cinéphile. Parce qu'il en faut aussi pour les sérivores. C'est vrai. on essaie d'ouvrir notre panel. Il faut savoir. Mais... Et il te remercie. Les sérivores, on a clairement atteint un plafond de verre avec Rapjeu. On en ah bah ouais, clairement. Voilà. Et attention, le dernier, Nino. Eli. Ouais, Nino, ouais, c'est tout vrai. À fait. Un point bien joué. On peut avoir un récap des points. On pourrait faire juste un point sur l'amour. Pour Guérin, du textile des rappeurs. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que j'ai été gérant d'un magasin multimarque jusqu'à il y a 3 semaines dans la banlieue de Mulhouse. Et bah, écoute, c'est exactement. Okay. Exactement. J'avais un, deux pareils au même également qu'on gérait avec Yerib. On avait en timeshare en fait. Un fonds d'investissement espagnol. Nous sommes à 8 pour les teams. Faut que j'écrive les teams, les oublie à chaque fois. Ici c'est SDM. Nous, c'est SDM Paris. Et eux c'est Gaël Flaubert. 8 ici pour SDM, 3 pour la team non, Flaubert. Non, c'est eux qui mènent. Je pense qu'on a plus que ça. Enfin, nous on a. Enfin, Yann a plus que ça. Moi ouais, je sais, c'est vrai alors, que j'ai fait des vannes. C'est impossible qu'on mène. Il a eu beaucoup plus de réponses que nous. Non, il y a eu des vannes et du coup, le... pardon. Hein. Ah non, je suis désolé. J'ai fait mon rap. Ouais, ça c'est ça. J'ai fait mon rap. Bien sûr que ça vient quand on se plaint du score. Bien sûr. Bien joué. On passe. C'est ce qu'on a du coup. Je passe avec eux. Évidemment, on passe à la deuxième manche. Merci. Le jeu du feat. C'est mon côté commun. Ah. Alors, il va falloir me relier deux artistes. Alors, c'est pas un ping-pong comme vous faites dans rap jeu. C'est un degré de séparation. Exactement, les degrés de séparation avec un point peut-être pour avoir compris les règles. Un point pour avoir compris les règles. Évidemment. C'est vrai. C'est un cross. On peut parler du film, 6 degrés de séparation. Peut-être que 2 points pour. Merci beaucoup. Premier film de Will Smith au cinéma. Là, stop. Ok. Je me rends compte que j'ai exagéré. Ok, c'est sûr. Une histoire vraie d'un escroc qui avait vendu le pont de Brooklyn. Voilà, bon, après, ah bah, j'ajoute un petit peu. Ah bah, dans ce cas, pardon. Oui, alors, 2 points. Ouais, il est sorti en 92. Non, c'est faux, mais c'est entièrement faux. J'ai gravé un point parce que ça servait à rien. Faut que vous sachiez comment ça va fonctionner. En gros, plus vous me dites de degré de séparation entre les deux artistes, moins vous avez de points. C'est-à-dire que vous partez avec un capital de 20 points et à chaque fois que vous rajoutez un feat, vous perdez un point. Tout ça pour dire que dans un exemple, non, mais en gros, le moins vous trouvez d'associations, le plus vous avez de points. Ouais, enfin, j'ai rien compris. Donne un exemple, j'ai compris. Donne un exemple. Moi j'ai compris, mais. Alors, toi t'es très intelligent. Bah, explique-nous. Est-ce que tu peux donner un exemple? Alors, je pense que c'est. Tu vas donner deux artistes. Exactement. Et il faut dire tel artiste a fait un feat avec tel artiste qui a fait un feat avec. Et il va falloir rejoindre l'autre. C'est comme des chiffres et des lettres, genre tu dois trouver tel chiffre et c'est l'opération la plus simple qui truc. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Voilà, je suis vieux. Allez, on n'a jamais fait de jeu de mots avec Laurent Romeshko d'ailleurs. Si. Ah bon Laurent. Romeshko. C'était scandaleux. Juste Mika H. Mon ami Romeshko. C'est pas mal. En plus, il y a eu un débat. Que ça... Bref, bon, Red Bull voulait censurer aussi. Alors, on commence avec la team Flaubert, vu que vous avez un peu moins de points. Si vous arrivez à me relier Calogero à MC Jean Gabin. Alors, Calogero, Passy. Merci Doc Gynéco, Doc Gynéco, merci Doc Gynéco. Voilà, ouais. Bien joué, très bien joué. Bravo Aslak, c'est mon premier point. 18 points. Bravo. 18 points. Ouais. Et là, une très grosse percée d'Aslak. Je suis très branché secteur, hein. Si t'en as d'autres, c'est pour moi. Mensonge. Ça, c'est. Ça veut dire je suis vieux. C'est comme c'est une paraphrase. Je suis plus jeune que toi, Adrien Méniel. Bah oui, jamais. Ou à peine. Pour votre équipe, il y a un petit avantage, puisque je vous demande de relier Adrien Méniel et Soprano. Bah alors, vous. Attends, vas-y, Adrien. Je compte des chansons sur YouTube comme des chansons. Ah oui, mais alors attends. Moi, clairement, je l'ai pas là. Non, bah, part de Soprano. Mais... Déjà, oui, moi, j'arrive. Il faut que j'arrive à toi. Attends. C'est fou parce qu'on se serait dit que la méthode aurait été plus pratique en parlant de toi. Je sais pas, moi, après. Non, mais je sais même pas. J'ai fait un truc avec Freddy Gladieux, mais après. Freddy Gladieux. Attends, c'est quoi la chanson? Eh, c'est ça. Et déjà, chanson, c'est Je veux crier but. Bien joué. Mais bien joué, c'est vraiment. Freddy Gladieux, il y a. Bien joué, tu t'es souvenu avec Kéza. C'est gars. Stylé. Direct, un grand frère Kéza. Oui, c'est bien. Je sais pas. T'as réussi à placer un K. Quel youtubeur pourrait nous amener vers des rappeurs? C'est ça le truc. Bah, Yvick, mais. Yvick, ah alors attends, j'ai fait un truc avec Yvick ou pas? Les aider peut-être. Si vous voulez, enfin, tout est ouvert. J'ai pas d'idée. Ok. Ouais, dire, est-ce que en fait, il y a Freddy Gladieux qui a fait le morceau Mirador produit par Kéza. Si vous voulez, vous pouvez passer par là. Ah ouais, mais attends, parce que Y a un raccourci. Non, il y a. Moi j'ai pas ça. Mais attends, sinon il y a Clash d'Astéroïdes où il y a Yvick et j'ai dû faire des trucs avec des gens. Mais putain. Apparemment, c'est pas Yvick. On dirait grave quelqu'un qui a une vie dissolue sexuellement. Genre, j'ai dû faire des trucs avec des gens à un moment. On dirait que t'as pas envie qu'on découvre des tweets. Ouais. Attends, moi, est-ce que je peux proposer un truc? Vas-y, t'en supplie. Ah, vas-y. Mec. Et en plus, c'est nous qui marquons le point, c'est charmant. C'est nous qui marquons le point sur le truc ou pas? Ah bah, oui, je pense. Oui. Peut-être un peu moins que 20 quand même, mais oui. Mais non, mais en gros, parce que c'est vraiment une question. Ce serait pas juste genre Squeezie, Big Flo et Oli, et du coup, Big Flo et Oli Soprano? Ah ouais. Non, mais j'ai rien fait avec Squeezie. Enfin, voilà, rien de déclarable quoi. Filmé, ouais. C'était dans le live. Big Flo et Oli, ils ont fait un truc avec Soprano. Big Flo et Oli Soprano, c'est ça. Donc ça vient par Big Flo et Oli. T'as fait Big Flo et Oli. Ah, Big Flo, c'est vrai. Mais quoi, vous êtes, ça vient par Big Flo et Oli avec la chanson C'est que du rap. Voilà. Ouais, voilà, ok. Mais du coup, il faut le lien entre toi et Big Flo et Oli. Allez, ah, encore, ça doit être McFly et Carlito. 20 minutes. Bah, c'est McFly et Carlito, non? Ils ont fait une chanson ensemble ou pas, McFly et Carlito? Non, mais ils ont fait des vidéos. Ah ouais, mais vidéo ça compte pas. C'est faut que je si, ils ont fait la chanson de Honnête là. Ouais, non, ça compte pas. Dès qu'on trouve un truc, ça compte pas. En plus, il a joué. Vous êtes sur la très bonne voie, je peux pas vous dire mieux. McFly et Carlito. T'as fait un truc avec McFly et Carlito? Non, c'est forcément. Faut vraiment lâcher. C'est une rétrospective d'Adrien Méniel. Non, mais non. Moi, j'avais l'impression qu'on avait trouvé quand même un bel itinéraire du côté d'Irim. Et en plus, non, mais on l'a pas, en tout cas, ça donne l'impression que j'ai une grande carrière, donc ça c'est cool. Ouais, bah voilà. Alors qu'en fait, vraiment, j'ai fait peu de choses. Ouais, donc je ça donne devrait la réponse. Oh, désolé, bah je suis désolé. T'inquiète pas, il y a moyen est-ce que c'est. Est-ce que ça part de Je veux crier but? Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu as fait avec McFly Carlito Prêtre Gims. Ah, parodie de Maître Gims. McFly et Carlito ont fait Désolé pour hier soir 2020 avec Trio. Bah dégueule hein, sinon. Ah bah dégueule. Ah, ouais. Trio Big Flo Oli. Trio et Big Flo Oli dans l'hymne de nos campagnes 2020. Okay. Et Big Flo Oli Soprano, c'est que dur. Par contre, c'est une très bonne épreuve qu'on pourrait te voler, je pense. Alors moi je serais voler tout. Moi je suis okay. Serais ravi. Super. Ouais. Les gens ne le voient pas mais je repère un peu les trucs autour de moi. Attention, c'était dur quand même. La team Flaubert, ouais, oh bah tu vas voir, ouais. Franck Dubosc et Frécodingue d'ATK. Je l'ai, c'est bon. Non, non, c'est bon, mais c'est aussi à nous. Yérim, frérot, c'est à nous. Et bah ils ont posé 0 degré de séparation, ils ont posé sur la BO de Camping. Alors, exactement. Ce n'est pas exactement l'histoire, mais oui, c'est évidemment ça. Il y a Fréco. C'est Frécodingue. Frécodingue. Je vais t'expliquer, je vais vous raconter toute l'histoire. En gros, c'est pas vraiment sur la BO de Camping, puisqu'il y a eu. Ça s'est fait sauter. Il y a de très sombres bails. Donc Cut Killer aimait beaucoup la musique de Frécodingue. Je vous cite Fréco. Cut Killer aimait beaucoup ma musique et m'avait fait poser sur une de ses mixtapes. Il m'avait alors invité à son émission de radio sur Skyrock. J'arrive au studio et Cut Killer me dit: assieds-toi, bois une binouze et commence à écrire. Là, il ajoute: c'est un morceau. Bois une binouze. Ça se dit beaucoup dans le hip-hop. C'était Camping 1, c'était Camping 1. Il fallait, voilà, faut se remettre dans le contexte. Binouze, c'est un terme rap. Allume-toi dans le sud. Allume-toi une sèche, bois une binouze. T'as une cig. C'est un morceau sur l'apéro et Franck Dubosc arrive. Il est dans le taxi, il vient écrire et chanter avec toi. C'est pour la bande originale de son prochain spectacle. Juste pardon, il l'avait pas prévenu? Non, non, c'est idéal. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque phrase, cette anecdote paraît de plus en plus vraie. Dans son spectacle, il y avait un sketch qui s'appelait Tu prends l'apéro. C'est ce sketch qui a ensuite inspiré le producteur du film Camping. Un mois plus tard, je retrouve Franck Dubosc pour un concert à Lyon. On est resté 2 jours, c'était à base de resto, de concerts, de boîtes de nuit, de nana, la folie. C'est à la... C'est moi, je veux un documentaire sur ces 2 jours. Ouais, hein. C'est sur Netflix hein, bientôt. Ouais. C'était Netflix en 3 volumes. Binous Life. J'ai entendu dire que les producteurs de Dubosc n'étaient vraiment pas contents du résultat que nous avons enregistré et qu'il fallait garder ce projet secret. Puis j'ai appris que les gens qui s'occupaient de moi s'étaient battus à coups de pourcentage avec les producteurs de Dubosc. Je pense que tout le monde a voulu être trop gourmand. Du coup, les deux seuls intéressés, Franck et moi, n'avons pas eu notre mot à dire. Le projet est tombé à l'eau. Oh putain. Jusqu'au jour. Parce que c'est. C'est un conte de Noël. Non, mais c'est comme le jeu E.T. sur Atari, là, qu'ils ont enterré dans le désert et ils l'ont. Je me souviens assez bien, ouais. Je m'en souviens pas. Bon camarade. De 2002 à 2012, la chanson était introuvable. Jusqu'en ce jour, de 24 décembre 2012, il neige dehors, c'est Noël. Et. Donc, Fréco, je reçois anonymement la chanson par mail avec comme objet de message: Joyeux Noël, Fréco. L'histoire ne dit pas si c'est Franck. Qui s'est fait passer, enfin de passer anonyme. Okay. Si Franck est le Père Noël, mais en l'occurrence, voilà. Alors, j'ai qu'au départ, en plus, Franck lui avait acheté une Switch. Et il lui a dit non, je vais lui envoyer un mail. Juste l'histoire du jeu E.T. Atari. Le truc, c'est qu'en gros, ils avaient sorti sur Atari 2600 le jeu E.T. Ouais. Et c'était, les gens ont dit, c'est le pire jeu de l'histoire des jeux vidéo. D'accord. Et du coup, il y avait une légende comme quoi ils avaient enterré tous les stocks du jeu dans le désert aux États-Unis. Et c'était une légende jusqu'à récemment où en fait ils ont déterré et il y avait des milliers de cartouches du jeu dans le incroyable. Désert. Il y a un documentaire sur Netflix qui parle de ça. Il y a vraiment des documentaires sur beaucoup de choses. Ouais. Sur Netflix, ouais, je pense. Nous, dans les 3 ans, on a notre biopic. Essayer de tuer quelqu'un, ça va accélérer le truc. Ou élever des tigres, c'est pas, tu vois. Vous pouvez encore vous refaire. On va tenter. Si je vous dis Jérémy Châtelain feat Frécodingue. Alors, Jérémy Châtelain. Ah, vas-y, là, t'es en. Non, il a fait notamment. Tu sais qu'il a fait des trucs avec Oxmo. Dans le rap, c'est à peu près. C'est les gros trucs, c'est le gros truc qu'il a fait avec Oxmo. Attends, on va devoir passer par Franck Dubosc, ça va être Oxmo, incroyable. Non mais non, Oxmo. Si vous passez par Dubosc, c'est plus 2000 points. Moi je pense, non, Oxmo, Zoxy, Zoxy ATK et dans ATK il y avait Fréco Dingue. Est-ce que ça marche? Oh, c'est vrai, je crois que ça marche, j'avais pas du tout prévu mais, ça. Mais c'est parce qu'on est d'accord qu'il y avait moyen de faire zéro. Il y avait, il y avait plus rapide. Ils ont fait un truc. Ah ouais, merde. Vous gagnez. En fait, Fréco Dingue à chaque fois. Premier album de Jérémy Châtelain, pareil, il avait flashé. Ah ouais, j'avais zappé. J'avais zappé. Vous auriez pu le faire en zéro, désolé. Merde, ben en tout cas, bisous à Jérémy. 18 points 17 J'ai fait 3 degrés là, j'ai 3 fait 3 degrés, non, ouais, bah Oxmo, 17 points. Oxy, ouais. 17 points pour votre team, donc tout peut encore se jouer. Tout ouais. peut encore se jouer, je ne parle même plus dans mon micro. J'ai aucune idée de combien de points on a avec Astrid. Je crois que c'est pas très important. Ouais, on est oh, quoi Je me fais chier depuis tout à l'heure à écrire sur cette ordi. On passe à la troisième épreuve qui s'intitule Tu repasses chez, les, chez les bleus. Les films qui baisent mal avec des rappeurs. Le concept de ce jeu, c'est de mélanger des films. Mmh. Avec des rappeurs célèbres français, ils sont tous français, il y a pas tout de tout le monde est français. Tout le monde est français. On est tous français. Depuis la deuxième étoile, nous sommes tous français. Ça c'est ma République ça. Sachant que évidemment, ce sont des jeux de mots un peu flingués qui marchouillent pas très bien. Sinon c'est pas drôle, c'est évidemment volé du concept d'Adrien où c'est des mots pas valises, des films qui baissent ensemble. Pour vous donner un exemple, si je vous dis l'expert de la maison R va devoir embrasser sa destinée et devenir un Jedi pour affronter l'infâme Dark Vador. Bah alors, il y a du NTM, enfin Joe Star, mais. Joe Star Wars. Joe Star Wars. Star Wars. Okay. Voilà. Ah ouais, d'accord. Okay, la réponse est un jeu de mots flingué. Ah ok, ok, c'est ça. Clair. C'est clair. Alors, je pense que je vais vous être d'aucunade. Moi aussi, il y a deux cinéphiles. Adrien va marquer beaucoup de points. Si, mais du coup, j'attends les moments où Yérim va soupirer de désespoir les réponses. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas cinéphile du tout. Mais tu vas dans le jeu de mots. Oui, non, mais je peux tirer mon épingle du jeu. Ouais, ouais, moi, je donne les rappeurs. Beaucoup de promesses. Si je les trouve, et puis. Ouais. Sachant que c'est mieux si vous donnez la réponse et chacun son équipe. Oui, c'est vrai. Non, c'est le premier qui a. Okay. Dit. Avec Aslak, on va clairement utiliser la méthode du hasard. Donc si on dit que la moitié, on aide les. Ouais, autres, donc faut pas dire. Il faut changer de mot. Attention, après avoir fait repérage de meufs sur les réseaux du lundi au lundi, il fait du surf, casse et a un pote qui a des orteils à la place des pieds. Brice Niska ? Non, Brice de Niska. Brice de Niska. Je suis désolé, c'est ici. Mais il a dit Brice Niska, ce n'est pas la réponse, c'est Brice de Niska. Il manquait clairement un article. Oui, je suis désolé, c'est 2 points par bonne réponse. 5 points par bonne réponse en plus, désolé. Là, j'aurais donné la bonne réponse, j'aurais eu que 2 points. Et ça j'aurais trouvé ça. Un jeune extraterrestre en fuite s'écrase sur Hawaï et fait la connaissance d'un jeune homme qui a juste besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et maintenant, ils le savent. Rémiti. Itigno ? Non. C'est pas du tout. Un jeune extraterrestre en fuite s'écrase sur Hawaï et fait la connaissance d'un jeune homme qui a juste besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et maintenant ils le savent. Menino. Non. Menino in black. C'est ça que tu veux dire. C'est un extraterrestre qui s'écrase sur Hawaï. C'est le détail qui a son importance. Un jeune extraterrestre en fuite s'écrase sur Hawaï. Fait la connaissance d'un jeune homme. Il y a juste besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Là, c'est un film, mais je l'ai pas, moi. C'est quoi ce film? C'est un dessin animé, pour vous donner une petite... Ah, c'est un truc... Nino et Stitch. Nino et Stitch. C'est Adrien. Ouais, moi, je l'aurais pas eu, ça. Il tire son épingle dessus, il l'avait pas. Mais moi, en fait, à la seconde où il a dit Hawaï, j'avais Hawaï police d'État, je cherchais un truc genre Nick la police, vraiment, c'était... T'es loin, toi. Nick Nino, t'es dans tout un coup, le truc qui part complètement en couille. Un rappeur réveillé à 10h par son voisin fan d'Elvis va devoir quitter sa Seine-Saint-Denis pour retourner dans son pub attaqué par des zombies. Celle-là, tu me l'as montré, donc je joue pas. Oh, mais... Cool Chain of the Dead. Je l'ai dit en premier. Cool Chain of the Dead. Aslak a répondu en premier. D'ailleurs, je le prouve puisque Mehdi avait commencé à Slack à très sournoisement fini la phrase. Oui, donc j'ai commencé. Donc, J'ai dit Cool Chain of the Dead. J'ai dit Cool Chain. J'ai peut-être pas dit Of the Dead, c'est vrai. J'ai dit In the Dead, je crois. C'est vrai. Ouais, ouais. Zéro point. D'accord. On est en tout cas. Quoi? Ah, mais vous m'avez saoulé. Il n'y a pas de point. Ah, ouais, bien, puisque c'est comme ça, je mange les 2 parts de gâteau. Si vous ne vous mettez pas d'accord, personne n'aura de dessert. Alors qu'il démarre de la zone parce qu'une fille l'a appelé un soir, un jeune homme gagne un voyage sur une station spatiale grâce à un jeu à gratter. Le film est pas le plus connu, je vous le cache avec pas. Avec Olivier. Julianne. Bon, bah dis la réponse aux gens sinon. Ah, alors, je joue, en fait. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bah oui, mais il nous dit tu aides l'équipe adverse. Joule. Mais alors attends. Tu as juste dit Joule là, hein. C'est pas moi, c'est Guillaume. Mais toi le rappeur le rappeur c'est Joule en théorie. Attiqué pour l'espace. Ouais. voilà. Je rappelle à nos auditeurs qu'Un ticket pour l'espace est un des meilleurs films en termes de comédie française. Je peux vous le prouver qu'avec un seul exemple, il y a un alien dindon géant. Voilà. Est-ce que je peux dire un deuxième exemple? Tu veux dire qu'à tes yeux, il est validé? Oh, le rap, mec. Vu qu'il y a une non, mais déjà, je pense qu'il faudrait rajouter un point. Ouais, bah t'as un petit point. Oui, t'as raison, merci, t'as raison, bien sûr. Et ensuite, j'ai un second. Non, moi, c'est par rapport à cela. J'aime pas ces tatouages, m'oppressent. J'en ai aucun. Mais en vrai, il y a une autre preuve en dialogue de ce film. C'est le moment où je crois que c'est Cad qui dit ah putain, genre la Corse, je voyais pas ça aussi grand. Et Guillaume Canet qui est à côté dit non, ça c'est l'Afrique. Oui, parce que ouais, vu qu'il se les voit depuis. Mais c'est un très très bon film. Voilà. Et le vaisseau spatial à la voix d'Enrico Macias. Voilà, que des. Je vous donne que des exemples comme quoi c'est un chef-d'œuvre. C'est parce qu'en plus, il y a tout ce truc où il y a la reconnaissance pupillaire, la reconnaissance testiculaire, évidemment, bien sûr. Un jeune rappeur en cavale met à genoux André Dussollier et Catherine Fro, deux férus d'enquête, armés de son Glock. Ah putain, Redis. La crime est notre affaire. Ah bravo là. Ah il est en forme, Myrim. Là on voit qu'il a Myrim est très chaud. Là on voit qu'il travaille en sous-marin pour le magazine de cinéma M4. Oh, il a écrit pour Fluctua, tu es bien sûr. Hein. Ah, ouais, bien sûr qu'il a écrit pour Fluctua. Mais là dans le prochain première, j'ai deux interviews. De toi? Alors une de moi, par mois, et l'autre c'est JP Zadi. Je sais pas quand ce truc sort, donc ça sort lundi prochain. Ouais. Bah JP Zadi, c'est pour tout simplement noir. Donc ouais, parfait. Ça me fait plaisir en même temps. Cet autopromo donne envie de vomir. Sinon, je vends une Fiat Panda. Deux amis, l'un parisien, l'autre marseillais, sont amoureux de la même fille, mais la guerre sépare le trio. Et à la fin de cette dernière, Catherine va devoir choisir entre l'homme et l'ovni. Ah, Jules et Jim. Désolé, ça s'est joué à très peu. Tu essaies de me déstabiliser avec ton regard, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai, j'ai utilisé cette technique. C'est vrai. Putain, il est chaud là. T'as plein de techniques. Ah, attends, on est à combien? Parce que on est à 53 pour vous, à 43 ici. Bah, je rebascule. Là. Alors tu rebascules. Oh, ça c'est sport. Un électron libre. Tu es selon moi Zidane. Tout bonnement. C'est pas diable. C'est vrai. Ça te montre mes connaissances en sport, j'ai cité Zidane. Le seul footballeur que tu connais. Le footballeur que je connais. Le temps d'un break, un auteur dont la juge, le parquet, la proc, la bac, l'OPJ et l'octrice connaît le nom, voit sa fille de 11 ans débarquer un matin au château Marmont de Los Angeles. Ah putain, c'est Sofia Coppola, mais il est imprononçable, mais j'en suis un peu content. C'est le film de Sofia Coppola. Ah, alors je l'ai peut-être. Non. Ah oui, putain, comment il s'appelle? Putain. Avec Sosomware. Non bah non. Les malheurs de Sosomware. Les malheurs de Sosophie. Ça n'a rien à voir, mais ça marche. Je te donne un point quand même. Ouais, voilà, s'il te plaît. Ouais, non, c'est normal. Tu l'avais presque, hein. C'est pas genre Sosomware in LA. Sosomware. J'arrive même pas à le lire alors qu'il est sous mes yeux. C'était Sosomwareness. Ah oui, donc. Ah, il manquait le Ness. Moi j'avais Sosomwareness Bill. Mais apparemment, ah oui, c'était pas vrai. Plus loin. Est-ce que ça rajouterait pas un point? Ça rajoute même 5 points. Ouais. Et Sosomwareness Bill Murray. Oh ouais. Est-ce que ça s'enlèverait pas un point? Cite-moi une chanson de Bill Murray en rap. Non. Bah, bravo. Bah, plus 5 points. Bah, Wesh Murray. Wesh Murray. Oh, oh ouais, vas-y, je vais jeter mon iPad au sol. Et ce sera normal. Bah, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui peut en avoir avec 17%. Bah si on gagne. Non, ouais. Non, on a pas dit qui. Pas de c'est moi. Moi j'ai des AirPods Pro, ouais. Ouais, je vous emmerde. En apprenant qu'il la va team être... AirPods Pro ici. Exactement. En apprenant qu'il va être père, une Arabienne panthère va devoir renouer avec les liens de ses origines asiatiques en retournant dans Made in China, ah bon, très bien joué. Tu as répondu avant que je finisse seul. Par contre, donc c'est 4 points, malheureusement, lui. Parce que j'ai mon petit égo. Et en plus, c'est un jeu de mots que vous avez déjà écrit dans l'art. Oui, exactement. Ah, vous l'avez déjà fait dans l'art. Ah oui, c'est vrai. C'était un jeu de mots que j'avais élaboré il y a 8 ans. Exactement. Et j'attendais vraiment le simple moment. C'était sous Hollande, je me souviens. Ouais, clairement. C'est la gauche était au pouvoir. C'est un jeu de mots qu'on s'était fait quand on s'était rencontrés. À belle époque. Et un jour, on s'était regardé, on a dit, tu vois ça? Un jour, ça nous rendra célèbres. Ouais. Non, moi, je me rappelle, j'avais dit un jour, ça nous rendra riches. Ensuite, t'as dit pas ouf. Hein. Déjà célèbre, ce serait cool. Attention, un braqueur qui ne peut pas s'empêcher de conduire en musique quitte sa banlieue sale lorsqu'il tombe amoureux, mais il est vrai qu'il a trop d'adversaires. Fababy Driver. Oh joli, très beau. Oh putain. Très, très, très Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Je n'ai rien, je n'ai rien. On est déjà au dernier. Sauvé par Fababi, comme d'habitude. Et en plus, Driver qui est aussi le nom d'un rappeur. Enfin, c'est beau ce qui se passe. Qui lance son podcast, c'est fou. Qui l'en fait aujourd'hui, mon moment. Vous montrez que vous pouvez faire une meilleure version de ce jeu dans Rapjeu. Je vous en supplie, faites-le. Et le dernier que... Non, parce que nous, nos invités sont pas non plus... C'est pas des gros fans de jeux de mots, tu veux dire? C'est pas ce qu'ils voulaient dire. Pas les mêmes. C'est une manière polie de le dire. Ouais. Attention, en 1910, Madame de Bonne Famille est une multimillionnaire qui vit avec sa chatte duchesse. Non, mais juste avant. Chatte que veut bouffer un jeune gourmand qui rajoute un bol de larmes dans lequel il trempe des cookies. Caristochat. Les Caristochats, mais les Caristochats, ouais, on l'accepte, on l'accepte, Joli, joli, joli. Les Caristochats. Oh là là là là. C'est beau ce que t'es en train Bravo. De faire. Bravo. Tu me donnes une chialer. Yerim fait gagner toutes les manches. Ah ouais, il était impressionnant. Manches toutes les équipes. Voilà. Oh là là. Et pourtant, on est à égalité. Mais oui, mais je calculais dans ma tête depuis tout ce temps. Parce qu'en plus, c'est ça qui est fort. Il est très fort, il est très fort. Exceptionnel. Ça fait 60-60 partout. L'autre passion d'Yerim, le statu quo. Je trouve qu'Aslak et moi, on pèse quand même pas mal dans la balance. Je sais pas pourquoi je suis invité pour l'instant. Et bah, tu sais quoi, Aslak? Est-ce que tu peux choisir entre la carte mystère et la carte puriste? Parce qu'ici aussi, on en a. On adore. Carte mystère ou carte puriste? C'est toi qui choisis. Alors, mystère ou. Mystère. Alors, tu prends le dé devant toi. Voilà, il est ici. Tu le jettes. Ah oui, tu as fait 6. Donc tu as la carte, putain t'as de la chance, carte Michel Sardou, que je pensais qu'elle allait tomber sur d'autres gens. Est-ce que tu peux me citer au moins 6 chansons de Michel Sardou? Si tu n'arrives pas à les citer les 6. Il n'y a que Aslak qui a le droit de jouer, on peut participer. Ouais, vous êtes dans la même équipe, vous pouvez, mais si vous n'arrivez pas à me citer les 6, vous perdez 15 points. Putain, mais les lacs du Connemara. Fin des années 80, elle court la maladie d'amour. La maladie d'amour, la maladie d'amour. Je suis pas allé en école de commerce. Moi, je les ai. Tu joues pas avec. Si, c'est. J'en ai en plus. Au cas où. J'en ai une. Si l'Éricain n'était pas là. Ouais. Ah oui. L'Éricain. C'est l'Éricain. Mais combien de chansons faut sortir? J'ai pas vraiment. Lance un truc sur l'islam. mais tu vas marquer un point. Il y en a une. Le pire, c'est que j'en ai deux d'extrême droite. C'est que comme ça que je les connais. À la tu te barres. Un truc comme ça. Ouais, c'est un point ça. À la ouac, barrez-vous. Oui, c'est pas plus qu'une. Les lacs du Tanga du Tanganyika. Ah non. Oui, mais si. Alors... si, mais c'est les paroles, mais tu... Pardon? Non, mais ça, c'est les paroles que tu cites. Ah, que j'ai bluffé en plus. Ah oui. Parce que je me suis dit, Connemara. Les faux bleus du Tanganyika. Ah, il revient là, Adrien. Là, c'est moi, Adrien. C'est la remontada là. Bah, je crois qu'ils les ont pas. Non, je crois qu'ils les ont pas. 15 points. Mais du coup, au cas où, je peux dire les deux d'extrême droite que je connais. Un noir, un arabe et un français rentrent dans un bar. Non, alors il y a Je suis pour ou qui est pour la peine de mort. Bien sûr. Un plaidoyer pour la peine de mort en musique. Lui, il dit c'est la loi du talion. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a bien sûr le temps béni des colonies. Évidemment. Alors, il y en a une autre. C'est pas la pire pour moi. Alors, est-ce qu'on passe à la mienne? La mienne se termine par mais ils n'ont que ça. C'est ça, c'est celle-là. Alors, je t'en supplie. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Oui, j'ai vu. Il y a un clip, une vidéo qui tourne de ça. Ouais. Et à un moment, sur Al Jazeera en ce moment. En fait, ils disent que ce qu'ont les Arabes et ce qu'ont les Français. Et à un moment, ils disent nous, on a un martel à Poitiers. C'est incroyable. Ah ouais. Donc là, il n'y a aucune équivoque en fait. On peut pas la défendre. Oh, c'était un perso. Puis y a quand même le temps béni des colonies quand même. C'est juste qu'il le tient bien le perso, mais c'était un perso. Ouais. Alors en face, carte mystère ou carte puriste? Du coup, on a marqué les points. Parce pas du tout. Non, vous en avez perdu 15. Non, pas du tout. Vous avez perdu 15 points. Là, je suis neutre. Maintenant, je joue pour ma gueule. Là où Michel Sardou est à 52 points. Là où Michel Sardou est pour. T'es Nicolas Dupont-Aignan en fait. C'est Zidane à Dupont-Aignan. On prend une carte puriste. Carte puriste ou carte mystère? Moi, puriste. Là, attends, ça c'était une carte puriste, ça? Non, c'est une carte mystère. Ah, puriste, tu vas être tout seul. Je pense. Peut-être pas. Mais peut-être pas. Bon, allez, vas-y, tu sais quoi, puriste? Allez, on est dans l'équipe là, sur celle-là. Non, parce que je les ai pas aidés. On va les aider. Je pourrais faire des petits calembours. On tente puriste. Franchement, tu sais jongler de toute façon. Ouais, tu joues très bien, toi. Ah bah ouais, complètement. Je suis très bien. Puriste. Ok. On va voir. On l'attend. On reste dans la thématique. Pouvez-vous me citer 5 artistes qui ont cité eux-mêmes Éric Zemmour dans leur chanson, dans une de leurs chansons? Aucun. Ouais. Bah Youssoupha. Ouais. Il y a un gars à la manif qui avait un panneau Éric Zemmour en baisse ta mère. Est-ce qu'on peut considérer que rap? S'il faisait du rap. Alors, t'as dit un artiste? Nekfeu là, ouais, un rappeur. Nekfeu. Nekfeu, ok, ça marche. Qui a dû citer Zemmour? Xnizi. Il l'a, je l'ai. Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça, c'était Pascal Pro. C'était Pascal Pro. Attends, il se ressemble. Qui a cité Zemmour? Oh et oh, doucement. moi j'en ai, ouais. J'en ai. Ouais. Medine, c'est sûr que Medine a cité Zemmour. Medine, il l'a cité plusieurs fois. Ouais, ouais, ça, mais ça qu'on va le compter pour un, j'imagine. Ouais. Medine, c'est sûr. Est-ce que. Il y en a un autre qui l'a cité plusieurs fois. Alliance ethnique. Qui peut paraître. Non. Kerry James. Bien joué, Kerry James. Deux fois, je dirais Mano. On est à 4 là. On est à 4. Hocus Pocus. Non. L'a dit, non. Je sais pas. Et on doit en citer 5, tu m'as dit. Hein. Ouais. 6, je crois. C'était pas 6. Non, c'était 5. 6, c'était Stardou. C'était Stardou. Moi, j'en ai 2 en fait. Bah, ouais, ouais. C'est pour ça que Booba a jamais cité Zemmour, je crois. Non, non. Si vous donnez de la thune à Yerim, il peut vous donner la réponse. Et on peut dire si des trucs comme ça. Ça peut, ça peut. Si je vais te chercher une bière. Ou il peut aussi partir de. C'est ouais, ouais, oh, oh. Ah, bonus bière. Ah, ouais, bonus bière, ça se joue. Si tu, si tu me rajoutes un Pepsi Max, je te donne 3 points de plus. Et bien, c'est parti. Non, non, non. Très bien. Non, mais si, très bien. Vas-y, vas-y, je t'en supplie. Vas-y, bien joué. Vas-y, Yerim, vas-y. C'est devenu Interville, je suis ravi. Ok, très bien. Voilà, alors peut-être Yerim, tu peux nous dire les deux artistes. Tout à fait. Il y a le rappeur Thiers, anciennement Thiers Monde, collectif Dean Record. Et il y a bien sûr Nesbill qui a avait dit cette fameuse phrase, j'aimerais contredire ce fils de pute d'Éric Zemmour, mais il a raison, il n'y a que des Noirs et des Arabes en prison. C'était une phrase qui voulait dire à peu près dire ça. Très stylé. Il y avait aussi Sefiu, moi j'avais, qui fait, qui fait rimer Zemmour avec les amours. Et j'avais aussi, attends, j'en avais cité, j'en avais noté un autre. Non mais je crois qu'on les a tous dit. Ah si, et This is La Peste, qui est plus surprenant. Oui, mais This is La Peste avait aussi cité Éric Zemmour. La nouvelle épreuve s'intitule Yuntug. Ah, déjà ça me plaît. C'est un ping-pong. Je vous donne un thème. Exemple tout à fait au hasard, les rappeurs. Et vous devez chacun me dire un nom de rappeur. Okay. D'accord, chacun son tour. Évidemment, ce n'est pas ce thème-là. Il n'y a pas de rapport avec Michael Youn, donc. Non, justement, regarde, écoute bien. Ah, mais si, d'accord. Que tu crois, c'est un ping-pong. Chacun va devoir me citer un rappeur qui a collaboré avec Michael Youn. Ah, ok. D'accord. C'est la personne qui n'en a plus. J'ai cru que tu allais nous expliquer qui était Michael Youn. Non, non, la personne, en fait, qui présente. Il est donc le morning live. Voilà. Zoomeo. Voilà. Oh, oui, j'y bien. Vous commencez. Allez, Gérard Bast. Vas-y, non mais. C'est toi qui voulais dire, pardon. Bien sûr. Gérard Bast. Gérard Bast, on peut le dire parce que les gens le savent pas, qui a travaillé sur l'album. J'ai écrit sur Bazooka. C'est pour ça que c'était plutôt bien fait en fait, parce qu'il a, il rappait, il faisait, enfin, il a fait tous les placements. Il a fait l'album en fait. Il a fait l'album, dont Fouta Cagoule, hein, qui est quand même coécrit par Gérard Bast. Un rappeur, hein. Un rappeur. Un producteur, non, de rap. Fais pas le malin, je t'en supplie. Moi, si je suis avec vous, j'en ai. Après, c'est vrai que bon, il a dit Teufa. Bah, je compte Teufa. Allez, je compte Teufa. Pour, parce qu'il a fait quoi avec Michael ? Oula, il a joué. Il a joué dans les 11 commandements. Il a coécrit la buzz aussi. Voilà, donc c'est bien. Ça compte. Il a également fait des ourlets. D'autres trucs avec Michael Youn. Lord Coffity. Il y avait un feat sur l'album non sur l'album ah non c'est une parodie une parodie c'était une grosse parodie de Dancehall. Tu sais quoi, oui, bouge ton boule, c'est une vraie réponse qui n'est pas la bonne explication, mais je te l'accorde quand même. Ok, puisque Lord Coffity a joué dans Coursier avec Michael Youn, donc ça fonctionne. Ok, bah, chance. J'ai la chance, ça passe, j'ai la chance. Ça passe en face. Oui, il y a l'autre technique de dire un rappeur au pif, ouais. Et voilà, ouais, mais c'est vrai, attention, c'est... si c'est pas le bon, risqué. Alors ouais, moi j'en ai un. Vas-y. Du coup Cool Chain dans la buzz. Oui, exactement, Cool Chain qui joue dans la buzz où il est accompagné de Yen, voilà, tout simplement. Absolument. Les fans de Michael Youn se régalent en écoutant ce podcast. Il y a bien c'est des émissions. Je n'ai pas. Alors écoute, moi je peux dire à l'époque de jeux de société, DC était invité dans le Morning Live. Et je me souviens, il avait joué le morceau Shuigaze, parce que j'étais fan du Morning Live, je le reconnais. Ah bah moi voilà. Aussi, donc, aucun, ça marche. Okay, ça fonctionne. Moi je suis ok avec ça. Ok. Sachant que je n'ai pas vérifié, donc je te fais. Vous pouvez vérifier, je vous assure, vous pouvez vérifier. Un peu mytho du coup. Regarde son visage. Moi j'en ai encore un vrai. Un visage d'Angelo, donc moi je suis ok. Vraiment vrai. J'ai Faf la rage, en fait. Ça c'était la période Alphonse Brown. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Il a ghostwrité. Ouais, ouais. Il a écrit Alphonse Brown. Et d'ailleurs, c'était un des rares qui s'en cachait pas. Enfin, ouais, t'avais ton crédit clair. Sur MCM qui tournait en boucle. Et très content. Il a pas déjà joué avec. Le dis pas, le dis pas. J'en ai un. Il a pas déjà joué avec Tommy ou un truc comme ça, parce que Tommy a fait du cinéma. Non. Faux. C'est une propale. Non, c'est pas une propale. Non, je peux parler. J'ai le droit de m'exprimer. Non, mais tu réfléchis. On est encore en démocratie, me semble. C'était vraiment. C'est votre dernier mot. Attends, il y a qui dans Major Fatal, c'est sûr qu'il y a du monde. Et en face, ils l'ont. Je suis désolé. Attends. Non, ok. Tu te fais mettre à l'amende par les candidats. Non, mais quoi, mais non, je mets une bonne ambiance. Joey Star. Non, vous vulgarisez. Joey Star, effectivement. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? J'ai pas à te le dire, en fait. Je veux dire, est-ce que j'ai le droit? Alors, je vais vous le dire. Il a fait un feat avec les Bratislava Boys dans la chanson Bourganièche, qui est une chanson de techno. Eh ben super. Voilà. Et où il fait l'introduction, où il explique le mot pour Gagnèche. C'est, je sais pas. Mais pourquoi tu pourquoi t'es agressif? Alors là, là, si je peux vous perdre, parce que je le connais un peu. Là, on passe sur la deuxième partie de soirée. Où Myrim a bu trois bières. Ouais. Et là, on va avoir un autre qui rime moins bienveillant, mais plus incisif et très drôle. Ouais. Par contre, et ensuite, va partir avec trois DVD. On va être... Je préfère te lire tout de suite. Et si les DVD ne lui plaisent pas, il est possible qu'il que y ait le Yérim qui suinte la haine. Ça, faut le savoir, moi. Je préfère que vous soyez prévenus. Alors, rajoute un point de montage pour la ref. Peut-être. Ça peut être des très mauvais rappeurs. Non, mais ils en ont des ennemis de mort. Attendez, alors, il a, Michael Youn a joué dans Carbone avec Gringe. Ah oui, bien joué. Très bien joué. Alors, ça repasse ici. Alors, j'ai les SDM. Du coup, alors, je sais pas si vous voulez l'accepter. Dans ce film-là, il y a une scène où tu sais ils montent leur boîte etc et on entend une musique une musique derrière qui est la musique de Secret Connection. Arrête, donc quel... non, mais c'est un lien. Non, c'est pas la BO du film. J'ai un truc vraiment très tiré par les cheveux. J'ai l'impression que c'était pas mal là déjà. T'as franchi la ligne jaune. Peut-être pire. C'est la BO du film les mecs. Non mais non. On a accepté DC d'inviter dans le Morning Live. Mais c'était toi aussi. Ça a été accepté. Mec, il a créé un précédent. Il y a une jurisprudence DC. Vu que McFly et Carlito ils ont fait des raps. Oh non. Adrien, est-ce que tu as bien dit la phrase? Ils ont fait des raps. Ils ont fait des raps. J'ai envie de mettre un point quand même. Mais il a pas dit rap. Au moins ils ont fait des raps. Ils ont pratiqué le rap. Putain, je cherche, mais là. C'est dur. Si on m'accepte pas la frais de connexion là. Non. Ah, je sais plus. Est-ce que Yael est accepté? Je jette l'éponge. Non, Yael n'est pas considéré comme. Elle a rappé, hein. Elle a rappé. Mais de toute façon, c'est perdu ici, quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon, c'est bon, c'est pour ça. Par la main. Malheureusement, non. Alors, il y avait, donc effectivement, on a dit tout ça. On a pas. Doudou Masta, qui a fait une voix dans Madagascar 2. C'est vrai que c'est le mec du cinéma. Il faut être grave. Doudou Masta, faut toujours le dire. PZK. Puisqu'il a fait un feat avec, enfin ils ont fait un feat avec Fatal Bazooka. Je veux dire, il y a un truc qui m'embête, franchement... ça fait quand même deux fois qu'on parle de PZK. Ouais. Je trouve ça excessif. Et juste pourquoi parce que vous en parlez jamais dans Rap Jeu. Pardon. Si on a le droit d'en parler. Juste si on prend une émission, qui t'invite? Si on accorde PZK, McFly et Carlito, c'était bon. Hein, pardon, mais. Oui, mais bon, ouais. Et PZK, évidemment, l'album je l'ai écouté. Oui, je l'ai lu, oui. Et il y avait quand même Booba. Car Booba fait une voix dans Moot Moot. Mais oui, avec Michael Youn. Michael Youn fait une voix dans Moot Moot. Ouais, mais c'est pas le même épisode. C'est pas le même épisode. C'est pas le même épisode. Ouais, mais non, refuse la BO. Non, mais alors là, okay, mais qui t'invite? Bon, ok, celui-là ne fonctionne pas, mais de toute façon, c'est l'animateur qui l'a proposé, donc je n'ai pas de points. Je l'accepte. On enchaîne avec les très bonnes épreuves. Je tiens quand même à souligner la qualité de l'épreuve. Non mais c'est génial. La qualité de l'épreuve et la prestance de Flaubert. Vous êtes ni plus ni moins que des amours. Je crois moins la deuxième chose, mais la première m'a fait très plaisir. Alors que moi je croyais plus à la deuxième. Et d'ailleurs, quand je vois la qualité de tes épreuves, j'aurais préféré faire la mienne en premier. Alors on passe, parce que justement tu ne crois pas si bien, on va bientôt arriver à toi. Mais d'abord, ça dure encore longtemps, parce que là je passe un super moment. Ça dure près de 6 heures. Ouais. Après on peut improviser. Me mettre une droite. T'as bien compris, c'est bien. La référence en durée maintenant, c'est The Irishman. On est à deux Irishman. Carte mystère ou carte puriste, c'est à vous de choisir. Ouais. Tout à l'heure, carte puriste nous a réussi. Est-ce qu'on change peut-être que... Ça nous a réussi ou pas? Bah oui, on a eu bon. Vas-y, on change. Allez, on est joueur. Carte mystère. Carte mystère, lance le dé. Alors, je t'en prie. Vas-y, Adrien, je t'en prie. C'est pas mal, Rabbi. 6 encore, c'est terrible. Tu relances parce que j'ai pas préparé plus de 6 évidemment que non. 1, c'est mieux, 1. 1, c'est mieux. Non, relance, ça va, relance ça va te plaire. Carte Pididi, pardon. Vous êtes dans l'impasse 2, donc vous risquez de perdre 10 points. Sauf si vous me faites 30 secondes de pub pour la Monster Energy, la meilleure boisson énergisante qui existe. Si vous ne pouvez pas, vous perdez 10 points et c'est pas grave. Attends, moi je vous aide, je vous fais un fond sonore. Parce que moi personnellement, je suis devenu propriétaire grâce à Red Bull, donc je peux pas le faire. À toi de voir si tu veux te. Moi je suis fatigué. J'ai pas de rythme, j'ai rien. Ah, vous perdez 10 points. La seule boisson qui est moins bonne que Red Bull. Pas me permettre. Monster. Écoutez, c'est pas si grave puisque vous avez les SDM ont 46 points. Alors que l'équipe des Flaubert a 60 points. Oh, c'est fou quand même. C'est par hasard. Vraiment rien. Ça se creuse. Vous aviez 65. Ça se creuse. Et je jouais 65 il y a 2 minutes. Non, mais vous avez perdu des points. J'ai bien perdu des points là. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, votre trajectoire, c'est Marine Le Pen après le débat. Vous perdez très juste. Écoutez, c'est très juste. Vous vulgarisez. On passe au débat. Je vous ai laissé parler. Non, moi juste si on pouvait rester neutre politiquement. C'est vrai que ça nous arrangerait. Ça a vraiment foutu une ambiance de merde. Après, il a juste énoncé des faits. Hein. Pardon. Il a pas porté de jugement. C'est pas un gros mot. Hein. C'est pour moi, il a pas dit que c'était pas bien qu'elle ait perdu des points. Ah, et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est vrai que Guéry, t'as pas dit. Je préférais qu'on ne parle pas. Non, je préférais qu'on reste neutre. Ouais, c'est ça. Ou alors, non, mais ou alors tu contextualises, mais tu sors pas comme ça. En plus, voilà. C'est ça. Attention, Adrien. Mais quand même un point de montage. Pour un petit point de montage, je vous le note. Adrien, est-ce que tu peux. On peut passer à ton épreuve. Écoute, oui, alors bon. Ah. Du coup, Flaubert, tu joues avec moi ou tu joues avec toi? Je vais jouer avec toi. Est-ce que ça serait pas un petit moment au moins pour applaudir, pour lui donner du cœur à bien lui. Sûr, ouais, bien sûr. Bravo. C'est un super podcast, je trouve. C'était un superbe applaudissement aussi. On l'a fait tous un peu en même temps, ouais, c'était assez stylé. Très, ça arrive rarement, ça. Ouais. Alors. Faites un vœu. Tu rotes avant. Tu rotes avant. Personne n'aurait su. Immense sport. Oui, mais c'était dans ma gueule, j'ai pas aimé. C'est bon, c'était en diagonale. Oui, je suis fatigué. T'es pas méga confinement. Je suis fatigué et un peu ivre. Donc c'est un jeu qui s'appelle vrai. Allez. Wow. Alors je tiens juste, il a bu un tiers de bière quand même. Ah, ouais, c'est vrai. Mais je suis fatigué. Il a mangé un burger vegan et bu la moitié d'une bière et il est complètement fringasse. Non non, je suis fatigué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ça arrive. Ah bon. C'est un jeu qui s'appelle Vrai Punchline ou pas. Okay. Mais qui en vrai devrait s'appeler vraie parole ou pas, parce que c'est pas. Bon, vrai ou faux, du coup. Comment? Ou vrai ou faux, par exemple. Calme-toi tout de suite. Je perds patience. J'ai été agressif. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est un jeu. Alors, le principe du jeu, c'est que je vous dis des paroles, il faut dire si elles sont vraies ou pas, et si elles sont vraies, qui les a. Qui les dit. Sachant que les fausses, je les ai écrites moi. Et à l'époque, parce que c'est un jeu que j'ai recyclé, je l'avais fait devant un parterre de youtubeurs. Qui a été bluffé. Tous plus cons les uns que les autres, c'est ça que je veux dire. Mais en les relisant, je me dis, vous allez tout de suite voir lesquelles j'ai écrites. Mais j'ai trouvé, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, c'est qu'au dernier moment, j'ai eu une idée fulgurante et du coup, je vais rattraper. Le terme fulgurant a été utilisé. Il l'a dit. Alors, les vrais refrains en galère, moi je les dépanne, tu respectes même pas ta mère, dis-moi pourquoi t'es vegan. Vraies paroles ou fausses paroles qui sortent de mon imagination. Je crois que moi je dirais faux. Vous avez vu comment il a calmé l'émission avec sa sagesse. Bah ouais. Moi je dirais fausse parole. Faux, ouais. Eh bah écoutez, je suis content. Bon, alors c'est pas avec des paroles à moi, mais je vous ai eu. Du coup, ce sont des vraies paroles. Tiens non. Alors de. Est-ce que c'est PZK? Non. Alors après de là à dire que je connais les deux artistes, évidemment que non. Mais vous peut-être Swift Gad et Many Days. Si. Ah, voilà. Absolument. Qu'on fait un album commun, absolument. C'est pas. Donc les points, du coup. Okay. Bah, personne, du coup. Personne. Ouais, c'est. Oui, c'est vrai. Invité pour hacker le Patagone. Alors, je suis dans le système. Dans les vieux films, c'était tellement ça. Presque trop facile. T'es dans le système. Hein, ah, je suis dans le système. Ouais, d'accord. Appelez-moi Internet. Dans quoi ça X-Files, ça. X-Files, ouais, c'est X-Files. Si ton iPhone explose à cause de la batterie, c'est la merde. Mais ne confonds pas. La Fouine, c'est une céréale, c'est la Fouine. Oh lolo. Alors, t'es dans quelle équipe? Je suis un peu paumé. Je suis avec vous, parce que okay, bah, vu que c'est. Ouais. Okay. Vu qu'on perd. Voilà. Moi, c'est ma seule. Moi, je suis attiré par la loose, hein, clairement. Ça. Chanson d'Aznavour aussi, d'ailleurs. Attiré par la loose. T'en supplie. On continue. Je t'en conjure, continue. Je t'en conjure. Ne laisse pas de blanc. Alors. Un peu raciste. C'est normal si tu trembles, j'ai mis v'là l'énergie. Si tu kiffes ça, je t'étrangle comme William l'émergie. Oh, c'est faux. Du Adrien Méniel, ça, dans le texte. Bien sûr, mais alors qui a le point? Parce que tout le monde a répondu, je ne sais pas. Je l'ai dit le point. Moi, je suis mal placé pour voir tout le monde en fait. Et en plus, franchement, je suis plus impartial, je crois que j'ai le point. Non seulement ça, mais en plus, j'avais oublié que je compte les points. Je croyais que ça avait fini par je vais t'étrangler comme Gizmo avec Mehdi. Qui rimait également aussi. Je t'ai gâché la blague d'après? Pas du tout. Non, j'ai cru. Pas du tout. On va passer à la punchline numéro 16. Alors, t'es pas ma tasse de thé. T'as vu la tasse que t'es? Elle est bien. Ouais, c'est une vraie. Moi, je pense vrai. Que c'est vrai aussi. C'est une vraie, mais je. Ouais. Alors. En fait, parce que j'en ai une avec ses écoutes. T'as dit, ouais, c'est une vraie, mais c'est pas comme ça. La vraie, c'est était ici. Mais c'est pas ça. C'est le cas. Alors, c'est une vraie. C'est une vraie, ouais. Il y a un point et un deuxième point si on, avec, si on a l'artiste. Mais checkez-vous. Ah, mais en plus, superbe tous les deux. Tu trouves qu'on forme une belle bande? Je trouve qu'il y a une alchimie assez imprenante. Ah, top. Vous me rappelez Romario et Bébéto, mais tu l'auras pas. Bah moi je l'aime. Tu l'as bien, ça fait. Bah, quand même, c'est un peu. C'est comme McFly et Carito, moi j'ai que ça en ref. C'est un peu ça. C'est ça, ouais. T'es pas que basket toi, Adrien? T'es non, aussi foot? Non, écoute, un peu de foot. Ok. Bah, il a plusieurs Raille. Casquettes, hein, en vérité. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'habite à Paris, donc tu rassembles les deux, c'est PSG, mon pote. Ce qu'il dit est très juste. Il a rajouté un petit mon pote derrière, qui fait plaisir. Qui est très méprisant. Ouais, non, pas du tout. Ouais, enfin, je sais que alors, j'ai déjà entendu, mais je l'aurais pas. Ouais. Vraiment. C'est Mokless. Oh, ouais. Okay. Tout bonnement. Bascred. Tout bonnement. Okay. Attends, est-ce que c'est dans Tu pues du cul, tu pues des chaussettes par hasard? J'ai pas le titre malheureusement. Parce que Lascred a fait un titre qui s'appelle comme ça. Et mais c'est un plagiat de Lascred. Ils enchaînent vraiment. Lascred qui a fait la BO d'un film avec Michael Youn d'ailleurs. Alors. Et qui a également fait un feat avec Adrien Méniel, mais il ne s'en souvient pas. C'est vrai. Non, mais... Ah, c'était donc eux. Ça se faisait en deux, c'est con. Hein. Alors, je raconte des clichés. Normal, je viens d'un quartier bresson. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est faux. Oh merde. C'est faux. Et hey, mais si rap, tu te mec. Souviens bien. Mais t'aurais grave dû nous demander c'est de qui. C'est vrai, ce putain, j'ai merdé, putain. Bon, déjà, je suis déjà fais fier. Des ouais, fais des rap, rien. D'autant plus fier que Mehdi, si tu te rappelles bien, j'avais trouvé ce truc de quartier bresson et je t'avais dit, oui, il n'y a pas quelqu'un qui a eu cette idée. C'est vrai. Et tu m'as dit, non, pas à ma connaissance. J'ai dit, écoute, si quelqu'un le sort, tu diras. Eh ben, c'est vrai. Donc voilà. Tu veux dire que la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Floodcast. Exactement. Ça me fait très plaisir. Ça fait très jingle radio. C'était Skyrock. Ouais, c'était Skyrock. Exactement ça. Alors, donc tu fermes ta gueule, Irim. Non, mais on devrait faire ça sur Move. Alors, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer. En plus, tu croises la mère Le Pen. Bonjour la journée. Quoi? Non, il y a trop d'incohérences. Trop d'incohérences. Moi, j'ai envie de dire vrai. C'est du Méniel. Moi, j'ai envie de dire vrai. Oh. Faux. Moi, j'ai envie de tenter. Même le faux Manès, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Le schéma. Bon, écoutez, vous savez, c'est mon taf. Hein. Rajoute-toi un point. Il y avait également, si je peux me permettre, faux 44. Oh, bah là, ouais. Nous on l'a pas. Donc faux, bah mais rien du tout de ce que tu viens t'as de dire. T'as dit oh, et t'avais clairement pas la ref. J'ai bien aimé. Ça existe. Bon, écoutez, pour moi, c'est un point par personne parce que c'est à la fois faux et vrai parce que c'est une citation de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il a dit ça sur Twitter alors. Je crois pas, non. Je sais plus. Il a pas fait une chanson de rap, Mélenchon? C'est qu'Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, on a fait plusieurs. Ça s'appelait Mélenchon, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Alors. Attends. Je me serais rajouté un point. Ouais, c'est vrai. Si la prochaine est bien, t'en as 6. Grosse pression sur la prochaine. 100 mètres. Bon, mais après, j'ai repéré 2-3 photos originales dans cet appartement. Je me ferai justice moi-même. Alors, il y a un clap également que vous là. Ça se revend très cher. Une grande valeur. Grande valeur affective, donc sûrement grande valeur monétaire. Ouais. Alors, c'est comme ça que ça marche. Laisse Adrien un moment. Non, il n'y a pas de problème, écoute, Mehdi. Mais tu sais qu'il est à l'aise. Il hein. y a du montage, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est supprimé. On divagation, on nous entendra plus du tout. C'est enfin. Au chiot, hein. Ouais, bien le sûr. Le volume de vos micros soit sensiblement plus bas que le mien. Aucun problème. T'as beau faire du MMA. Nous, c'est zéro blabla, zéro tracas comme MMA. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Totalement. Alors, vrai. Je crois que c'est Mehdi qui a été le plus rapide. Moi, j'ai dit ouais. Mehdi a dit c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux dire l'artiste? Non. Pas l'artiste. Non, attends, est-ce attends, que c'est Chevalier Laspa? Ah non, c'est la matinée. Non, j'ai pas l'artiste. Non, je l'ai pas. Attends. MZ. MZ. Ah. La MZ. T'as dit le, juste après ouais, que tu l'as dit. Très bonne technique. Dit MZ. Nouvelle technique utilisée. Nouvelle technique utilisée. Du coup, ouais. Du coup, 3 points pour vous. Ouais, 3 points pour vous. Ah ouais. Ça fait plaisir. C'est pas moi qui décide quand c'est mon. Non, mais. Non, je comprends. C'est pas mon émission, hein, pote. Je continue. Mes sauces baisées par une France nymphomane. Message biaisé par les médias de masse. Putain. La chatte à Marianne. La chatte à David Pujadas. Je crois que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi je dirais faux. Moi je dirais faux. Attendez. Ah oui, non, dis pas la même chose. Bon, déjà, je ne sais pas du coup qui est. Enfin, après, moi je dis que c'est vrai. Je ne sais pas qui c'est. Et en même temps, je me suis basé sur le fait qu'il y avait pas de citation de William Lémergie. Je me suis dit, s'il n'y a pas William Lémergie, peut-être que c'est vrai. Bon, alors, vous dites. Tu veux dire faux? Vas-y, on va dire je faux. J'ai envie de dire que tu le sors de ton cerveau. Et tu dis vrai. Ouais, moi j'ai envie de dire vrai. Donc c'est un point pour vous. Allez. Bien joué, Flaubert. Puisque c'est faux, c'est moi qui ai écrit ça. Mais sachant que Flaubert a déjà assisté à ce jeu. Tu étais là quand je l'ai fait. C'était au Téléthon Gaming. Mais bon. Oh non, mais moi tu sais, j'ai fermé les yeux là-bas. Bien sûr. On pourrait juste faire un point à Slack, peut-être parce que oui, ça va. Oui, ça va. Ouais, j'adore ce jeu, très très bien. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Je l'avais oublié, bon. Celui-là. Parce que t'avais vraiment à côté, j'ai quitté l'aventure. Oui, mais en tant que pro, tu touches tout le pognon que va rapporter ce podcast. Donc, quelque part, t'as déjà gagné en fait. Finalement, oui. Déjà, bon, je dois dire, je suis fier de vous avoir, d'avoir réussi mais à vous piéger sur ce truc. Et en fait, le truc, c'est que moi, en relisant mes trucs, je me suis dit, mais ils vont griller tout de suite que c'est moi qui l'ai écrit. Et donc, je me suis dit, j'écris mal du rap. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais créer l'illusion? Je pourrais mélanger avec des vrais raps de gens qui rappent mal, à savoir des raps de youtubeurs. Donc on passe à la deuxième partie. Oh là là. Est-ce que c'est des vrais raps de youtubeurs? Ah ouais. Ou pas? Ah, ah bah ouais. Ah moi, moi ça je peux être très bon, attention, hein, vu que j'en ai écrit la moitié déjà. Alors est-ce qu'on fait rapidité? Parce que là jusqu'à présent c'était n'importe quoi. On a fait rapidité à une question. Sinon je fais chacun autre. Il rime à sa propre équipe. Est-ce que c'est pas là où on sortirait la carte faux buzzer à la bouche? Non mais chacun dit le nom de son équipe. D'accord. T'as envie qu'on dise ton nom, toi. Et sachant que t'as oublié le nom de ton équipe. Non, c'est SDM. Oh joli. Bravo. Un point plus. Un point pour moi. Mais c'est vrai que ça va être trop facile avec toi, j'avais oublié. Par contre, si des mecs qui écoutent se mettent à compter les points eux aussi, on est foutus. Non, mais ils nous diront justement, c'est le jeu dans le jeu. C'est le truc de Mickey à la fin où t'envoies fort. Je sais pas. Voilà. Alors. Moi, je n'ai pas d'alter ego. Je confonds pas alter et go. SDM, c'est Thibaut Inchep. Il a doute à ça. Parce que il fut un temps, je faisais des récaps web en plus des récaps rap sur Vice. J'ai vraiment cru que t'allais dire fut un temps, je faisais des groupes musculaires. Oh putain, non, quelle horreur. Et du coup, j'étais tombé sur ce clip. Alors, parce que évidemment, c'est pas qu'un son, hein, t'imagines. Je finis quand même. Vas-y. C'était moi, je n'ai pas d'alter ego, je confonds pas alter ego. Parce que ça veut dire qu'ils se soulèvent les deux. Ouais, joli. Faut savoir que des rappeurs auraient pu sortir. Mais sauf qu'il dit, je confonds c'est les femmes, hein, si vous n'êtes pas familier avec le milieu de la rue. Tu pensais pas que je maniais les mots? Les bibis. Ah, ça j'aurais trouvé. Les bibis, j'aurais trouvé. C'est les biceps, je pense. Biceps. Ah oui. Peut-être les biscottos. Je pense que c'est les biceps, moi je dirais. Bah, on a dit que c'était pas une ouverture vers la bisexualité en tout cas. Non, on est en train. Perdre Mehdi. Non, pas du tout, je regarde. Non, il est en train de se dire et pourquoi pas un Thibaut Inchep versus Kouzou le prochain rabot. Alors, je fais des merveilles, fais pas de manière. Je viens pas de Marseille, moi je viens d'Anières. Toujours en tendance et pas dans la marge. Mon nom c'est David et pas Faf Lafarge. Non. Flaubert. Go, Pokémon, go! Fini l'unboxing, place au Flaubert. SDM, c'est déjà SDM. C'est un mensonge éhonté. C'est faux. C'est faux, mais elle est bien. C'est faux, elle est super. Et j'aurais aimé que ça soit vrai. Non, moi, c'est surtout quand il a dit Anières, qui est quand même ma ville. Oui. Il dit ça, il y a deux solutions. Soit c'est Sardoche et je ne le vois pas faire ça. Ouais. Parce que je sais qu'il prend la ligne 13. Sardoche vient d'Anières? Bah, il prend la ligne 13, mais dans mon côté de la fourche. Elle dit son adresse, s'il te plaît. Mais j'aimerais tellement. Je la vendrais direct à Fritz Corleone. Je prends pas les couilles. Là, il faut savoir que là, les fausses vont être très simples à trouver. Ah, oui. C'est juste parce que ça m'a amusé. C'est pour le plaisir. En revanche, il y a un point si vous trouvez le faux YouTube, enfin le YouTubeur, parce que c'est à chaque fois du point de vue d'un YouTubeur. C'est qu'à chaque fois, en fait, il s'est inspiré d'un YouTubeur. Ça dit quoi? C'était inspiré de qui? David Lafarge. David Lafarge. Ah oui, parce qu'il arrive à la fin. Je crois qu'il s'appelle du tout que David Lafarge. Oui, c'est ça, Benoît Hamon, Lafarge Pokémon. Puisqu'il dit, mon nom c'est David et pas Faf Lafarge. Alors. Je sors pas d'EP, j'ai un nom d'épée. Moteur action clap, c'est parti pour un rap. Même si je sais poser, ça n'est rien comparé au bonheur que me procure d'être dans une salle obscure. Flaubert, et j'ai envie de dire. Flaubert. Non mais le problème c'est qu'il y a l'expression faire un rap que t'as utilisé plusieurs fois. Ouais. Peut-être donc, que c'est, tout est moi, prévu moi, depuis le début. Moi je pense que c'est faux. Peut-être que tout ça n'est qu'une machine à non, moi je pense vous que c'est ensemble, faux. Moi je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est faux parce que je vois pas un youtubeur ciné faire du rap. Ou alors celui que je vois il parlerait pas de ciné. C'est JB bien sûr. Mis dans ta ouais. Mais je trouve qu'il y a pas assez d'indices pour découvrir le youtubeur. Est-ce que tu peux répéter Durandal? C'est Durandal. Putain, c'est. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Je répète, je sors pas d'EP, mais j'ai un nom d'épée. Durandal, putain, évidemment. C'est quoi, évidemment. Durandal, c'est l'épée de, dans les. J'en ai aucune idée. Dans les tables rondes, mais quoi. Dans la table ronde, c'est le nom de l'épée, c'est Durandal. Pour moi, c'était Excalibur. Ouais, moi aussi. C'est les deux épées qui ont un nom. T'es un sacré geek, hein, à mes yeux. Durandal, c'est l'épée de Roland. Je précise que je ne suis pas un médiévaliste d'extrême droite, c'est juste que j'ai cherché Durandal et j'ai eu le résultat. Voilà. Donc ça donne. Pas chaud. Mais du coup, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux, mais c'est du point de vue de Durandal. C'est vrai, du coup. Pouce gris, à peine la vidéo sortie. Pouce gris, Flaubert. T'es déjà aigri. Putain. C'est le père Ross. C'est Pierre Cross et Benjamin Veracchia. Bravo. Voilà, voilà, bien joué. La chanson, le morceau Pouce Gris. Ah, je connais peut-être pas SDN. Benjamin Veracchia qui a le jeu Question pour un beauf d'ailleurs. Qui est un jeu aussi YouTube, ouais. Vous voyez ce qui vous fonctionne pas mal. Voilà, exactement. Ah ouais. Eh oui. Bah, je ne ouais. savais pas. On apprend plein de choses. Et enfin, je traîne pas dans la cave, mais plutôt à l'opposé. T'aimes pas, c'est pas grave. Avec Manès, je suis posé. Flaubert. Attends. Mais ok. Je viens te poser un gros 16 de nationalité française. Sardoche. Et si tu n'aimes pas mes textes, je te demanderai contexte. C'est le joueur du grenier. C'est le joueur du grenier. Ah ouais, on peut applaudir Adrien. On peut applaudir. Bravo. Il y a de l'écriture, hein. Il y a de la recherche. Je fais partie de l'équipe SDM, je leur rajoute 10 points. Parce que ouais, comme ça, on normal. Égalise, c'est bon. Ouais. Vous êtes à égalité. Ouais, bah, voilà. Il y a 6 à 6. C'est ouf. Mais sans unité. C'est plus des points, c'est des grammes. On passe à carte mystère ou carte puriste. Ah. C'est votre tour, la team Flaubert, de choisir carte mystère ou carte puriste. Vas-y. On se prend une. Puriste. T'es dans quelle équipe maintenant? Bah, ça dépend, on est, si on est à égalité. Moi j'attends que quelqu'un gagne ou perde. T'es avec eux parce que la carte puriste. Au pire, je suis avec les deux, comme ça. Ah ouais. Pas mal. Et là, tu leur baisses la gueule. Carte puriste, citer une pochette d'album où on voit quelqu'un en peignoir. Bon, ça y est. Si, bien sûr. C'est Moïse the Dude. Alors il y a ça et j'en ai une deuxième carrément. Vas-y. Moi j'ai Ol' Kinry, Django Jack. Bien joué, il y avait aussi Big Daddy Kane, Big Daddy's Home, okay. Ghostface Killah, voilà. Bulletproof Wallet. Avec tout le respect que j'ai pour Moïse the Dude, avoir cité Moïse the Dude avant Big Daddy Kane, je trouve ça très beau. Ouais. Et il y a beaucoup de panache dans cette réponse. Mais moi je doublerai les points par ça. Non. Non, parce qu'il connaît aucun des deux noms que t'as cité. Il y a un autre, je les ai googlés. Après, pour le coup, je pense qu'en plus, l'album de Moïse the Dude, tu as la totalité des gens qui l'ont acheté. Mais il y avait plus connu, dirons-nous. Il y avait Pharrell Williams avec Girl, tout à fait, voilà, qui est en peignoir sur la jaquette. Mais c'est pas vraiment un album de rap. On passe à la nouvelle épreuve puisque c'est les enchères. Ah. On a tout pris. Ouais, c'est bien. Chacun va me dire. Vu les rêves qu'on a là, faut falloir qu'on appelle Monster ou Dark Dog. Hein. Vous allez devoir me dire combien vous pouvez citer de rappeurs qui ont interprété des policiers. Sachant que ça prend film ou série télé. J'en ai un. Français et américain. François et US. Ah, international. Avec qui joue Yérim? Est-ce que tu peux me rappeler le score, s'il te plaît? Évidemment. Alors, il s'agit de 68 à 68. Bah, je vais jouer avec. J'avais joué le pot. Je vous laisse faire les enchères. Je relis bien. 68 à 69. Donc tu peux aller à l'équipe que tu veux. Bah sinon. On sait pas qui est à 69. Non, c'est le Joker. De toute façon, je vous laisse faire les enchères. Et après, s'il y en a un qui est en galère, c'est ça que j'allais dire. De toute façon, plus personne nous écoute, hein, je vous rassure. Hein. Oh, stade, on est entre nous. Nous, on commence à 1. Pas mal. C'est une tactique. Aïe, putain, il choke. C'est moi, bon. 2. Non, moi, je. Ouais, m'a dit 2, vas-y. Ouais, 2. Allez, 5. 5. Je me 8. Couche. 8. 8 déjà. Attends, t'es okay. 10. Waouh. Il est cinéphile, le mec. Vas-y, frère. Ouais, ok. Franchement, ouais. On a combien de temps? Vous avez... 10 secondes. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire. Vous avez 10 secondes. Non, attends, je lance le chrono. Putain, je sais plus. Alors, non, pas encore du coup. Ah, j'en ai 3. Je le jette dès que. Bon, je suis pas sûr d'en avoir 10. Hein, pas vous. Est-ce que vous êtes prêts? Laisse-moi commencer après. Ouais, vas-y, sinon... 3, 2. On a combien? Vous avez une minute. D'accord. Vas-y. Dans Drabou, vous avez combien de temps? Vous avez une minute. On a jamais su. C'est parti. Alors, Joe Star. Ouais. Ice Cube, Ice T. Ouais. LL Cool J. Qui fait qui joue dans une série. Tommy Bugsy. Ouais. Dr. Dre dans Training Day. Exactement, Dr. Dre. DMX, il a dû jouer un truc dans un film, non? Est-ce qu'il était clair? Je sais plus. DMX, c'est bon. Il a joué dans Beyond the Law avec Steven Seagal. Voilà, Nas, il avait joué un film avec Steven Seagal, Nas aussi, mais je sais pas s'il joue un keuf. J'ai pas Nas. Je crois pas qu'il joue. Vérifions. Non, pas Nas. Vérifions quand même. Vérifierai, mais je crois que j'ai. Panas, pas mal. Il y a qui d'autre en France? Peut-être un point, ça compte. Ça compte. Sauf la rage dans Gomez et Tavares. Oui. Bah oui. Qui dans oui, un qui ça marche. Ok. On pourquoi est à 8. Je vois Snoop Dogg en keuf. Non, il a joué dans Huggy les Bontures. C'est pas un flic. C'est pas un flic. C'est un indique, les mecs. Il reste 9 secondes. C'est pas un flic. Ok. Il en reste 2. Ok, t'as dit Ice Cube, tu l'as déjà dit. Mark Wahlberg, qui a été rappeur. Nuki dans The Block. Il était rappeur. C'est fini. Et Riza RZA. Déjà, on dit RZA. Non, mais RZA. RZA. Je t'ai appelé Nguyen tout à l'heure, donc y'a pas de problème, tu peux dire ce que tu veux. RZA, c'est dans American Gangster. Est-ce qu'on peut juste. Oui, bien joué. J'en ai d'autres. Il y avait peut-être Common aussi dans Terminator, il joue une sorte de. Common a déjà fait un keuf, c'était un ripou, mais il a fait dans la comédie avec Steve Carell et Tina Fey. Et techniquement, on peut même rajouter John Leguizamo qui a joué énormément de flics. Qui a fait du rap. Et qui a fait du rap. Il y a Joe Pesci qui a rappé. Mais il a dans l'arme fatale. Et ouais, c'était un indique. Mais il y avait très simple, il y avait Will Smith dans Bad Boys 2. Bien sûr. Est-ce que Nas, est-ce qu'on peut juste vérifier Nas s'il te plaît? Je vérifierai Nas, je dis les autres aussi. Il y a Ludacris dans le film Max Payne. Ouais, bien sûr, mais putain. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et Sadek dans Fleuve Noir. Ah ouais. Il joue un policier. Ouais, ouais, tout à fait. Je vérifie Nas tout de suite, mais je crois que justement j'étais tombé sur Nas. Ouais, parce qu'en fait, je crois que c'est pas un keuf. Ouais, mais il a joué avec Steven. C'était quoi? C'est un truc avec Steven Seagal, je crois. Parce que c'est vrai que Steven Seagal, bah il a fait. Non, il a pas fait DMX. Ça mérite un documentaire sur Netflix quand même, la rencontre Nas-Steven Seagal. Ouais, ouais. Et Nas meurt très tôt dans le film. Ils sont ensemble dans Explosion Imminente. Voilà, c'est ça. Mais. Et genre, Nas meurt au bout de 20 minutes, je crois, du film. Il joue le détective Art Fuzzy Rice. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Donc j'en avais 9. Mais non, j'en avais 9, je me suis arrêté à 9. Non, je te jure, je me suis arrêté à 9. Je te jure, je me suis arrêté à 9. On a refusé Nas. Donc ça fait 10. Je réécoute l'émission. Je te jure que je me suis arrêté à 9. Je suis en train de réécouter l'émission. Excuse-moi. Il a raison. Ok, c'est bon, ça fait 10. Bien joué. Merci. Je perdrai pas mon épreuve, les mecs. Et c'est avec d'ailleurs ces 10 points que vous remportez ce rap. Je félicitations. On est les meilleurs rappeurs. On est les meilleurs rappeurs. Est-ce qu'on serait pas les meilleurs amis? Du coup, Aslak, puisque vu que tu n'es pas celui qu'on a entendu le plus, c'est vrai. Au début de l'émission, c'est à toi que revient de faire la promotion d'Adrien Méniel et de Mehdi Maizi dans les prochains trucs. Vu que vous voulez faire la promo de quoi, peut-être vous. Ouais, vous moi voulez. C'est plus dur, mais. non, mais du coup, mais de moi aussi, puisque j'étais dans leur équipe. C'est vrai. Et aussi de Yarim. Ouais. Vas-y. C'est beaucoup. Demande à Guérin plutôt. Si tu es très chaud pour participer, moi je vous suis. Hein. Pour participer à ce jeu? Non, de faire la promo. Podcast, j'avais l'impression que j'avais un peu donné. Bien sûr, Yerim Sarr, évidemment, qui va bientôt lancer son programme. Les interviews sous le nom de Yerim Sarr, c'est-à-dire comme Jerim Sarr. Dans un bain également. C'est l'interview en peignoir, non pas dans une baignoire. Ah, bien joué. Voilà, exactement. Donc ça sera disponible sur Quel type d'invité on aura? Alors, on aura principalement des spécialistes en géopolitique. Également. Et deux youtubeurs. Et deux. Et évidemment des influenceurs des influenceurs charpente, des trucs un peu plus niche. Ça a toujours été le truc de Yerim ça. Ça fait 10 années qu'il nous emmerde avec ça. De toute façon, à chaque fois il vient, on fait un rap jeu à base de poutres, viens on fait un rap jeu à base de poutres. De toute façon, vous rappelez tous du premier décor de rap jeu. Il faut savoir que c'est moi qui l'ai imposé et qui l'ai bâti. Qui l'a construit, bien sûr. Il aime le bois. Il aime le bois, il a deux castors, il les fait tailler à Asnières, gros bicos de bois. Et également il est présent sur divers médias sur lequel il se fait payer pour des articles qui même sont si lui qui sont censurés derrière. Lui utilise le terme, le terme merdia, mais ce sont des médias. Notamment entre dans le before du grand journal. Alors c'était ouais. Bah, si vous nous écoutez en 2006, oui, effectivement. C'est important de le préciser. Effectivement, on est en 2014. Non, évidemment, Yerim, mon acolyte, qui est une pièce maîtresse, anonyme, évidemment. C'est un une peu pièce long, maîtresse de rap jeu. Mehdi Maizi, ouais. Qui va tout. Mehdi Maizi, que dire de Mehdi Maizi? Mehdi Maizi, homme incroyable. Homme incroyable qui donc est désormais le visage, enfin qui est devenu manager de l'Apple Store d'Alger. Très juste. C'est vrai. J'ai des réductions. En dirham seulement. Voilà, j'ai des réductions. Non, Mehdi Maizi, le code. Évidemment, rap jeu. On soit pas trop sérieux, pas ça, Adrien. Évidemment pas. Et Adrien Méniel qui connaît Soprano, mais il ne se rappelle plus exactement dans quel contexte. Vous pouvez également le retrouver sur Pornhub, évidemment. C'est vrai, ça. Si vous tapez les bons pas. Et donc, partisan de l'Actor Studio, on le voit d'ailleurs. Voilà. Il a une casquette NBA, il vient de voir The Last Dance et c'est son prochain rôle. Puisqu'il va jouer dans la version française. Je joue Steve Kerr. Ouais. Non, j'allais dire malheureusement il joue Michael Jordan. Bah, en fait le truc c'est qu'au début il devait jouer Scottie Pippen et ça a pas matché sur la voix. C'est ça. C'est le problème. D'ailleurs si vous êtes sur Pornhub, vous allez sur la vidéo où il y a Adrien, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ça va Adrien? On aimerait trop une vidéo avec ta queue plus. Voilà. j'aimerais faire remonter ce commentaire. Question adressée à toute l'équipe de Rap Jeu. Allez, là, si, d'ailleurs, si tu nous écoutes encore, toi qui as posé la question, c'est un peu fou. Je ne m'y connais vraiment pas du tout en rap et j'aimerais en écouter plus. Vous avez des conseils de bons albums pour commencer ? Signé Flaubert. Non, non, anonyme. Signé anonyme. Anonyme. Quelqu'un qui aurait jamais écouté de rap. C'est je pense que c'est plus une question pour Aslak, a priori. Ouais. Tu conseillerais quoi ? Secteur A. Premier album de rap, bah écoute, rap français ou rap américain ? Ce que tu veux. J'en ai aucune idée. Nirvana, Nevermind. Non, mais je sais pas. T'as commencé. Alors, question plus vaste. Quel a été ton plus vieux souvenir premier album de rap que j'ai acheté, c'était Assassin. D'accord. L'Odyssée suit son cours. Donc c'est pas assez c'est pas un bon début, je trouve. C'est un peu, tu vois. Mais j'aimais bien. Dur. Après, le vrai album que j'ai adoré, que j'ai saigné, c'était le premier album de rap que j'ai eu. Non, c'était le premier album de TM, Authentique. Oh, Il a un peu vieilli quand même. Ouais, c'est peut-être pas évident de commencer avec ça aujourd'hui. En revanche, le dernier album NetTM, c'est une très bonne entrée en matière, je trouve, pour le rap français. Non, mais un truc genre un peu classique, je sais pas, qui est super. Si, moi je dirais Première Consultation de Doc Gynéco. Vu qu'en fait, il est quand même. C'est un classique et en même temps, il est assez pop. Et comme le rap de maintenant est aussi assez pop, je dirais que c'est une bonne porte d'entrée, voilà. Mais après, j'ai pas. C'est tellement une question. Tu veux un par décennie ? Non, non, juste un par personne. D'accord. Moi je vais m'occuper de la décennie Non, il a dit qu'il s'en fout, il en veut juste un. Moi, par juste personne. Un par personne. Ouais, mais je peux faire ce que tu veux. Mais si t'as envie de dire un par décennie, donc je fais ce que je veux. Je dis un disque. Tous ensemble, chacun pour soi de Salif. Très bien. Yérim, un album que tu conseillerais pour un album à conseiller genre en porte d'entrée dans le rap et tout. Ouais. Ou celui que toi t'as eu si t'as pas d'idée. Celui qui a été ta porte d'entrée. Alors, j'ai une anecdote sur ce qui a été ma porte d'entrée dans le rap qui va être mieux qu'un pauvre conseil et tout. Donc, en gros, je crois que ma daronne avait une pote et je les entendais parler. Et la pote de ma daronne disait à ma daronne, ouais. Mais là, tu te rends compte, j'entre dans sa chambre et j'entends ouais, la chatte, je sais pas quoi et tout. Que des insultes et tout machin. Et donc, alors je cours dans la chambre de mon pote, qui était plus vieux que moi, et il fait ouais, c'était quoi ce que t'écoutais et tout machin. Donc, il sort une cassette audio, donc c'est de dire à quel point c'était Highlander quoi. Mais en gros, disons que je commence à entendre une musique qui me plaît pas. Donc, je fais non, mais ça, je m'en fous, je veux le passage avec les insultes. J'étais petit, tu vois. Donc, la musique, c'était pas mon problème. Et donc, j'entends une litanie entière d'injures, un truc vraiment très vénère et tout. Je les retiens et tout. Et des années plus tard, en fait, je me rends compte en réécoutant, mais je ne savais pas, que c'était l'outro d'un été à la cité de Mystère Hammer, que du coup mon pote avait en cassette audio à l'époque, parce qu'il avait, je crois, 7 ou 8 ans de plus que moi. Et du coup, c'est la première fois de ma vie que j'écoutais du rap, c'était ce truc-là. C'était l'outro. C'était l'outro, et c'était clairement que des trucs d'obscénité. Voilà. Magnifique. Et j'ai envie d'ajouter Opéra Puccino. Ouais, voilà. Ajoute-le alors. Tout. Ouais, j'ajoute. Moi, pour liche, comme ça. Là. Je voudrais savoir si vous avez prévu de refaire des numéros avec des personnes qui ne sont pas spécialement des rappeurs, tels que Le Règlement ou Masqué. En plus, à quand Le Peignoir sur mesure ? Alors, il y a deux questions. Alors deux déjà, questions. Ouais, Le Règlement, il me semble que c'est un mec qui aime pas trop montrer sa tête. À chaque fois, il y a ce qui est un peu parfois. Les gens, souvent, nous demandent des trucs impossibles. Tu vois, genre, pourquoi vous faites pas venir Kekra, Fritz Corleone. Nous, on a Shabba récemment. Ouais. Et parce qu'on le connaît absolument pas. Voilà, c'est une gigastar. Ouais, exactement. Voilà. Mais Le Règlement, non, il se montre pas. Après, oui. En fait, on aimerait plus, notamment Vieille Rime, on aimerait bien faire venir des acteurs qui sont proches du rap. Tu vois, donc oui, on aimerait bien. On l'a jamais fait. Vous avez eu Gaston Bide. Ouais, on l'a validé. C'était marrant d'ailleurs, tu l'avais avec Valérie. Ouais, en tout cas, les gens l'ont pas mal appris. En réalité, il était pas si drôle que ça. Toi, t'es vénère parce que t'as zéro réplique dans Validé alors que t'apparais dans le fond vite. C'est vrai. Ouais. Il a une moue qui est géniale quand même. Et un petit De Niro qui nous fait. Mais bien sûr, si. En tout cas, surtout quand on va pas se mentir, hein, on a déjà quand même reçu pas mal de rappeurs, donc à un moment, si on veut pas s'essouffler, il va falloir qu'on fasse d'autres trucs. Non, dans le cinéma, on aimerait bien. C'est peut-être possible que ça arrive prochainement, mais au moment où on parle, c'est absolument pas acté. Et nous, il est possible qu'on ait un Shabba. Après, je veux pas non plus. C'est pas une vanne, donc rigole pas en déjà. Fait, il a fait un documentaire. Ah, ça y est, il m'a tiré un DVD. Non, mais en plus, il a fait le documentaire sur NTM. Donc, tout à fait. Qui s'appelait également Authentique. Oh là là. Et pour être tout à fait exact, en fait, il a monté le documentaire, mais tous les rushs, c'est Sher de Get Busy qui les a tournés. D'accord. Bah écoutez, on si est là. Vous avez dessiné des chiens, on est là pour la culture ou on n'est pas là pour la culture. Voilà, vous êtes c'est calé tout. En hip-hop, donc super. Question adressée à l'équipe. Alors non, ça c'est bon, on l'a fait. Yérim, qu'est-ce que ça fait d'être devenu un meme Twitter ? Je pense que c'est par rapport à Migos, Migos et Rof, je pense. Ouais, bien sûr, ça me permet d'intervenir sur un. Bah, c'était assez drôle. C'était assez drôle, mais je pense que c'est fini maintenant, par contre. Je pense ça arrive encore, hein. Ah, j'en recasse cette photo. Cette semaine, là. Ouais, là, quand on a annoncé votre venue, on se l'est pris un ou deux fois aussi. Ah, ouais, d'accord, ouais, oui. Ok. Bien sûr. Bah, je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez drôle pour le coup. J'espère, voilà. Moi, tant que ça m'aide à niquer, honnêtement, j'ai pas. Très transparent. C'est vrai, clairement. C'est vrai que ouais, t'es vrai. L'autre question te concerne aussi d'ailleurs. Est-ce que tu vas continuer à participer au podcast MDR sur les comédies françaises? Ouais, a priori, ouais. A priori. Après, je crois qu'on est quand même pas mal sur le même podcast, donc on essaie de faire des roulements. Ouais. Et puis il y a du cinéma surtout. Et alors déjà, ouais, là, il faut quand même que ça reprenne. Ouais. Et surtout, je pense que ce serait pas bien que les mêmes intervenants soient là à chaque fois, parce que il y a que le présentateur qui s'appelle Daniel, qui a les capacités mentales et physiques pour supporter de voir autant de comédies françaises d'affilée. Nous, faut quand même qu'on ait espace, quoi. Guiran, comment s'est passé l'arrêt de l'émission? Est-ce qu'on pourrait rester sur moi? On y reviendra. Comment s'est passé l'arrêt de l'émission On n'est pas des pigeons? Peut-on retrouver ce genre de concept ailleurs? Alors bien sûr, on peut tout à fait retrouver ce concept ailleurs, puisque c'est... Si tu peux rappeler ce qu'est ce concept d'ailleurs. On n'est pas des pigeons, c'était une émission où il y avait plein de journalistes qui faisaient des trucs de consommation et où moi je disais de la merde et où je partais en voyage avec pas d'argent. C'était quoi toi le concept de ta capsule? Moi le principe c'est qu'on m'envoyait dans des villes d'Europe avec 150 euros et il fallait que je trouve des trucs cool à faire en deux jours. Et l'avantage de l'arrêt de On n'est pas des pigeons, c'est que ça a repris il y a un an et demi. Donc on peut tout à fait retrouver exactement les mêmes contenus Attends, mais c'est sur pas le site de France TV. Ouais, voilà, c'est ça. Et là je dois en refaire quelques-uns là, là en ce moment. Là, donc c'est dispo sur YouTube en fait, tout simplement. C'est dispo sur YouTube et c'est dispo sur France TV/. D'accord, bon bah parfait. Il y a deux ans dans After Rap, Yérim et Mehdi évoquaient la difficulté des journalistes à critiquer les albums de rap français lors de leur sortie. Est-ce que selon vous ça a évolué ou est-ce que c'est toujours le cas? Je pense que c'était moi tout seul qui faisais ça. Est-ce que ça a changé de... Non, je pense pas, non, c'est même... Il n'y a pas vraiment eu d'évolution là-dessus. Ouais, statu quo là-dessus. Quel est le rappeur? Juste pardon, difficulté à quel niveau? Non, c'est qu'en fait, disons que ça se fait pas tout. C'est pas que ça. En fait, ça s'est jamais trop fait dans l'histoire du rap français, en fait. Parce que parfois, il y a des gens, il y avait, tu sais, pendant sur Twitter, un genre de qui disait à l'époque des magazines, ça se faisait. C'est entièrement faux. Non, ça s'est non. jamais trop fait parce qu'en fait, on va dire, et c'est une erreur, hein, mais parce qu'il y a aussi une proximité, on va dire, dans ce milieu rap, c'est un petit milieu. Et qu'à l'époque, notamment des magazines, on sait qu'il y a des journalistes qui ont un peu critiqué. Il y a, à l'époque, il y a eu des pressions. C'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà. Après, je peux te faire poignarder, donc peut-être. Non, pas ça. Mais en tout cas, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ce serait possible. J'ai vu le documentaire sur NWA. Attendez, ça va. Écoute, je connais le hip-hop. D'ailleurs, moi, je dis pas rap, je dis hip-hop. Donc, c'est pour dire à quel point je suis calé. Non, moi, je pense que ça. Maintenant, je pense que ça peut arriver. Et que notamment, il y a une nouvelle génération de médias qui vont sûrement avoir envie d'y aller. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait pas trop, en tout cas. Ça, c'est en fait, ça dépend complètement du modèle économique des magazines. La plupart des magazines qui existaient avant. Quand tu disais à l'époque des magazines, c'était exactement pareil. La plupart des magazines, que ce soit L'Affiche ou Radical, c'était tout le temps des trucs qui étaient financés et aujourd'hui par des maisons. Exactement. J'ai aimé cette réponse. Du coup, c'est vous qui avez gagné Rap Jeu. C'est merci. Ah, bravo. Non, mais bravo. J'ai kiffé cette réponse. Moi, j'avais tout misé sur cette question que j'avais vue sur Curious Cat. Très bien. Bon, vous avez peur, quoi. À toute l'équipe, quel est le rappeur qui vous a le plus impressionné en connaissance rap? Ah, en connaissance rap. Qui est venu dans Rap Jeu, du coup, ah, oui. Ou dans l'histoire de nos interviews. Oui, te la pète pas. Oui. Il y a une seule ambiance. J'ai interviewé Cool G Rap. C'est faux. Mais non, dans Rap Jeu. Moi, je pense le Dinos Isha, il était assez haut. Le mec a la meilleure culture que lui, je pense, c'est Dinos. En vrai, Dinos, on sait qu'il a une encyclopédie. Ouais, ouais. C'est une encyclopédie un peu et il est très fort. Et moi, il y a Nino B. Esprit Noir. Nino B, c'était pas les connaissances rap. Parce que toi, c'était la géographie. T'étais tout. C'est-à-dire que lui, il était très fort en mathématiques, en géométrie. Enfin, tout ce qui était algèbre, il était ultra fort, vraiment. Il aurait pas aimé notre comptage de points d'aujourd'hui. Non. Il aurait quelques réclamations. Mais pour moi, un des meilleurs candidats, c'est Attic. La connaissance, parce qu'il est, c'est pas le plus. Mais par contre, il avait une motivation de fou. Il venait vraiment pour gagner. Et surtout, il connaissait Rap Jeu par cœur. C'est ça le truc. Donc, ouais, Attic, moi, c'est un des meilleurs candidats, je trouve. Ouais, Attic et Z de 13 blocs. Qui bah, tout le monde, quoi. Qui est... Non. Ah, c'est vrai qu'il voulait pas vous embrouiller, quoi. C'est vraiment. Non, mais Attic, je dirais qu'il était fantastique. Demande-nous plus nul. Oh là là, t'es top. Bravo, deux points. Deux points. C'est pour toi, c'est cadeau. T'aurais pu avoir des points en plus, mais t'y croyais même pas toi. Ouais, c'est ça. J'ai tenu le regard et tout, je sais pas ce qu'il vous faut plus, putain. Aslak. Mais voilà, du coup, quand tu demandais, ouais, est-ce qu'on critique, bah non, voilà le résultat. Aslak, combien de rap jeux enregistrez-vous par jour? On en enregistre deux, sauf quand Niro ne vient pas, on en enregistre qu'un. Oh! Oh, ah, ça y est. Oh, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, Niro l'aime, mais il nous a planté deux fois. Ouais. Ah, à chaque fois au dernier moment. Et du coup, on enregistre trois Niro, sur la session suivante pour compenser. Oh, pardon, Adrien m'a percuté avec une blague. Est-ce que du coup, on a regagné le rap-jeu? Vous avez regagné le rap-jeu, évidemment. C'est d'une volatilité, ce truc. C'est incroyable. D'accord, deux par jour. Et à préparer, ça prend. On a déjà fait trois. On a fait trois pour rattraper les sessions à un seul. Quand Niro vient pas. Voilà, exactement. Et vous avez. Quand préparation, ça prend combien de temps, l'écriture, tout ça, les recherches? L'écriture d'une session, donc de deux rap jeux. Ouais. Ça dépend des. Ça fait gaffe parce que Red Bull existe. Et écoute, pardon, et vous facturez une semaine quand même d'écriture. Eh ben, ouais, une semaine. 7 jours. Tout à fait. Dimanche compris, après, donc heure sup. Voilà. Après, non, mais on se fait des pauses, tu vois, pour manger. Non, bien c'est sûr, pas ça, mais voilà. C'est qu'en plus, Yérim oublie un truc, c'est qu'on est on parle en jour ouvrable. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est 5 jours. Bien sûr. Très bien, et je crois que 96 heures. C'est le genre de métier où on travaille tout le temps. Comme les gars. C'est comme ça que j'ai retenu. C'est la garde à vue. Est-ce que vous avez envie de créer un podcast mensuel sur le rap, les sorties du mois, en donnant vos avis, ou évidemment, avec évidemment de l'humour? Ce format manque tout de même aux fans de rap dans le milieu podcast. Sachez que pendant le confinement, on peut le dire parce qu'a priori le confinement est fini. Oui. On avait. Enfin, quand est-ce que sort l'émission? Parce que peut-être dans un mois, ouais, c'est redès. Hein, oui, ça sort, ça sort lundi. Allez, on croise les doigts. Non, en fait, à un moment, pendant le confinement, on avait, comme on pouvait pas tourner rap jeu, même si on en avait stocké quelques-uns, on voulait essayer de créer une sorte de contenu. Tu vois, autour de rap jeu, on avait même pensé à un moment à faire des trucs en live, puisque tout le monde faisait des lives, et en fait, on se disait que ce serait nul. À un moment, on a pensé à faire un podcast, et en fait, ça l'a pas fait, parce que je crois que Red Bull était pas trop. Enfin. Bon, on s'est clairement fait remballer par Red Bull. Ouais, voilà, on s'est fait remballer par Red Bull, mais Guérin et Yérim avaient commencé à bosser dessus, et puis ça s'est pas fait. Donc après, est-ce qu'on pourrait le faire? Ouais, parce que je crois qu'on aime bien bosser ensemble ou quoi, mais c'est pas prévu dans l'immédiat. Mais si on l'avait lancé pendant le confinement, peut-être qu'on aurait lancé un truc et qu'on aurait tenu la. Bon, ouais, mais on s'est chié dessus, on s'est chié dessus. Après, il est pas impossible qu'on essaye de faire un truc avec Yérim, mais ça sera pas sur le rap. Et ça sera pas drôle, donc c'est. Et après, si, alors moi, je sais que pendant le confinement, donc en fait, je faisais des espèces de chroniques live. Dans le confinement? Dans le confinement, ouais, exactement. Dis-le aussi, t'es jamais tu cites, c'est incroyable. Mais non, genre, j'étais comme ça parce que je cherchais le nom. Connard. Je lui ai tout donné à ce mec. Émission ABCDR, tout. C'était une merde. Alors, je l'ai même pris grâce à ce mec. Je lui ai même pris ses cheveux. Enfin, c'était. Mais en gros. En revanche, c'est très. Ce que j'ai dit avant est faux, mais ça, c'est vrai. Mais ouais, il est possible que je refasse, parce que voilà, c'était clairement le rendez-vous incontournable du confinement. Mais moi, je vous remercie qu'il y ait eu le Covid pour ça. Ben ah bah c'est bah, voilà, maintenant je peux le dire, c'est derrière moi, mais c'est un petit peu moi qui est voilà, qui a lancé le truc, parce que en je France, sentais que pas la fin, je te remercie. Voilà. Disons qu'on a retrouvé un ou deux peignoirs en chine. Voilà. Il y a deux trois pangolins bien habillés. Chacun en conclura ce qu'il en voudra. Mais du coup, il est possible que je passe des chroniques, mais du coup, bah, pas dans le confinement, mais dans un autre cadre. Mais justement, mais quel cadre, connard? Parce que je vais relancer des lives. Ah bon, connard, pour la fin. Justement, apparemment, dans le confinement, tu avais dit que tu n'étais pas contre l'idée d'un jour te produire en stand-up sur scène. C'est Est-ce que c'est toujours dans tes projets? Ouais, alors en fait, c'est parce que c'était après une chronique et Mehdi m'avait demandé, donc un peu déboté. Mais en gros, ça fait rire personne. Ouais, donc non, voilà, non. C'est bon, mec. En fait, si t'as tout misé sur le mot déboté, ouais, te lance pas. C'est pas de stand-up. Moi, je pensais juste arriver. Franchement, ah là, j'ai tout perdu. Le mec, en plus, il était sur Vistaprint, il avait fait des trucs. Yérim me déboté. Yérim balance la sauce, c'était la saison 2. Le mec, juste, il balance des mots qu'il trouve drôles. Il arrive. Blouson. Gargot. Ah, il y a eu un rire là-bas. Ok. Brûle pour point. C'est tout pour moi. Pas piquer des hannetons. C'est un sketch fou ça. 10 minutes comme ça. Non, mais après là, je suis en train de tester. Hein, aussi, là, voilà, non, mais là, j'ai déjà pris des notes. Tu vois. Par exemple, ceux d'Adrien ont l'air de bien marcher. Gargote, clairement, ça va être réutilisé. Mais du coup, alors le truc, c'est qu'en fait, j'écris déjà pour des gens qui sont pas connus. Mais j'ai jamais pensé à me mettre moi en scène, entre guillemets. Donc, après, c'est le pire moment pour le faire, il me semble. Parce que tout ce qui est spectacle vivant, je te confirme, c'est pas ouf en termes de timing. Mais sinon, ouais, sur le principe, ouais, mais je pense que, comme j'ai dit dans le live, je commencerai juste à faire une première partie d'une soirée de Mehdi. Et ça s'arrêtera là. Tu vas niquer tous mes concepts, quoi. Tu viens dans mes lives, tu viens dans mes soirées. Ah, mais c'est ça, clairement, tu vois. Et d'ailleurs, Mehdi, est-ce que tu veux pas. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que tu peux. J'ai perdu la question, mais en gros, la question c'était, est-ce que tu veux pas remettre les interviews du Confinement en potentiellement en podcast? Parce que c'est un peu galère apparemment de les retrouver sur ton Insta. Non, parce que je les ai plus. Ah oui, et d'accord. Ça y est, c'était, bon, c'est perdu dans les lames d'internet et c'était propre au confinement et c'est ça qui était beau. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais, bah, j'aime la poésie. C'est comme de l'art éphémère. J'aime Verlaine, ouais. C'est comme quoi? De l'art éphémère. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah voilà les gars, bah merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. C'est cool, on va quand même faire un dernier petit tour. Aslak, il y a ton podcast auquel Adrien et moi avons participé. Et Mehdi, évidemment, non, la musique. Ouais, je t'avoue bien que j'ai écouté que le mien, franchement, tout à fait. Moi, honnête. J'ai écouté. Bah, c'est vexant pour trois personnes en même temps. Celui d'Adrien également et celui de Jérôme Niel, j'ai écouté. Jérôme Niel. Je sais pas, j'ai pas. Il a été invité, hein. C'est bon, j'ai écouté Jérôme Niel. On va reprendre. On avait des spéciaux pendant le confinement. On a vite eu la flemme, contrairement à Mehdi, que j'applaudis dès demain. Et on va reprendre là très bientôt. Mais je ne peux pas encore confirmer les invités. Donc le nom, la musique dans la peau. La musique dans la peau. Mais on va dire l'invité. Hein ? L'invité qui est. Je ne peux pas le dire. Souchon. Je vais le dire. Vas-y, dis-le. J'ai oublié. En plus, non, mais il faut dire que ça marche bien. Et vous avez eu un article dans Télérama. Oui, c'est vrai. Du Vauchel. Et alors, nous, on n'a jamais eu d'article sur Télérama, si ce n'est pour des séries, pour dire que c'est de la merde. Donc, au final, tu vois, tu t'en sors vraiment bien. Je me plaignais pas, mais merci. Non, mais je te le dis. Guéran, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu as ta chronique de On n'est pas des pigeons? Ouais, alors moi sinon j'étais. Là je vais partir sur une belle période de chômage. En ce qui me concerne, j'étais sur Move le matin. Ok. Et j'arrête. D'accord, ok. Donc si vous avez du travail, je vends également une Fiat Panda. Tu prends tout toi, les vieilles bouteilles et tout. Tout. Les chaussettes. Les Non, donc voilà, là je suis sur des projets dont je peux pas dire grand chose. Et sinon, si, je vais continuer à faire des vidéos. Un peu normalement un peu marrante sur Move et je vais continuer à faire des vidéos pour France Télé et Rap Jeu. Quand même, c'est un chômage vraiment plein ça de gens restent chômage hein. Vraiment, tu fais quand même des trucs. Non, ouais, c'est vrai. Yérim, oui. Qu'est-ce que toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Fais vite. Tout ce qu'on peut retrouver, ben donc Move, il y a une émission qui s'appelle After Rap. Je peux pas dire la diff parce que en gros on est en fin de saison et on définit jamais la prochaine saison quand on sera, donc c'est chiant. Plus l'émission n'est franchement pas terrible. C'est pas après, bah, il y a Rap Jeu toujours. Bien sûr. La série validée dans laquelle tu es le héros. C'est vrai. Après, je sais pas moi, ouais, des fois des articles sur Vice. Il a un contrat mou jusqu'à la saison 8, hein, faut prévoir. des articles sur Move aussi à l'écrit et sur plein de trucs. Des articles dans Première voilà sur le cinéma du coup. C'est un pigiste de luxe. Ni plus ni moins. Mehdi, toi tu... Eh ben écoute Rap Jeu évidemment. Il est possible Non, il est possible que je repeigne ma salle de bain. Et comment je pose ça là après voilà. Est-ce que tu vas, c'est vrai que il est féru de tout ce qui est poutre. C'est vrai que j'ai un très mauvais souvenir de l'intérieur de l'appartement d'Irim. Mais tu l'as jamais vu, mec. Si, je l'ai vu celui-là, non? En 2004. Ah non, tu as vu combien de temps celui-là? Mais je crois que tu t'as jamais vu, même l'ancien. Parce qu'il faut savoir que Irim est venu à Nier. Hein. Non, mais t'es venu à Nier. Irim n'est pas seulement primo-accédant, il a multiples propriétés. Non, toi t'as vu le studio en fait que je louais. C'est ça que t'as vu? Ah non, là j'ai acheté, là c'est fini. Le mec fini, est là, proprio, c'est... d'accord. Ah ouais, non, là clairement. Je sens qu'il y aura un petit point de montage là. Non, non, ça moi j'adore. J'aime rappeler aux auditeurs que tous mes invités ont de la thune. Hein. Clairement. L'argent d'internet, c'est inspirant. C'est inspirant pour les gens. Ça fait tellement du bien. Et est-ce que tu comptes réinterviewer Putain, j'avais écouté un podcast où tu parlais d'une interview avec Christopher Nolan. Est-ce que tu as envie de retester ça? En fait, le truc, c'est que juste que Warner me remettra jamais en face de Christopher Nolan. Parce que tu peux raconter un peu comment c'est. Bah, en fait, donc c'était pour le before de Canal Plus. Le truc, c'est qu'ils avaient déjà des interviews du casting d'Interstellar et il y a Christopher Nolan qui vient en France. Et donc, moi, je suis leur journaliste ciné. Et donc, le rédac-chef fait la connerie de me dire du coup, si tu fais l'interview de Nolan, pour pas que ça fasse doublon avec ce qu'on a déjà, faut que tu trouves un truc. Et après, il me sort cette phrase de, je veux que dans son avion, de retour chez lui à New York, Los Angeles, il se rappelle de Yérim, ça. Et donc... Donc t'es rentré à poil, déjà? Donc, non, donc en fait, j'ai fait un concept d'interview qui s'appelait l'interview kamikaze. Et en gros, je crois que ça commençait, je lui disais, ouais... Enfin non, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, voilà, ça va être que des questions connes. Et il m'a pas calculé. Il a fait, ah, ok, ouais. Et en gros, la première question, c'était, ouais, pourquoi passer un certain âge, tous les réals de talent parce que je prenais quand même des patins. Pourquoi tous les réels de talent se prennent pour Kubrick? Donc là déjà il ne comprend pas. Ensuite il commence. En plus il répond en bon élève, tu vois. Il dit ouais, je me prends pas pour Kubrick, machin, ça veut dire ça, nanana. Ensuite je dis ouais, t'as vu Gravity? Parce que Cuaron c'était son pote et tout. Et il fait non, j'ai pas vu. Je fais ah d'accord, parce que ça ressemble quand même à. C'est un peu un clash, quoi, tu vois. Et donc ça, t'avais ça, t'avais ouais, pourquoi y a pas Batman dans le film? Enfin, c'était vraiment que des. Parce que savoir que c'est un format de jeune quête, t'as 10 minutes en face à face. Après le concept, avec, tu lui mettais des claques et tu disais t'as mal. Donc, c'est voilà, c'est ça, tu vois. Et tu donc, du coup. Tu disais arrête de taper. Ouais, c'était ça. Et donc, du coup, effectivement, il avait détesté, il avait dit à son agent, qu'il avait dit à Warner. Qui avait appelé la prod du Fort et du Grand Journal, parce qu'ils étaient invités au Grand Journal après. Et l'émission accomplie. Et en fait, le vrai truc, c'est qu'après, par contre, au montage, parce que moi, je leur avais dit direct, mais en vrai, c'est pas lui qui va s'afficher, tu vois, c'est moi. Mm. Et c'était ça le montage final. C'est-à-dire que la voix off, en fait, moi, je me foutais de ma propre gueule. Mm. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en vrai, j'avais ménagé une partie de l'interview qui était sérieuse et qui m'a servi de conclusion. Donc, voilà. Et derrière, Bolloré a racheté Canal+. Voilà. Après, par contre, voilà, c'était la dernière saison du Before. Enfin, tout s'est écroulé à partir de cette interview. Voilà. Moi, quand j'ai mis un orteil à Canal+, c'était déjà. Enfin, voilà, c'était clairement fini. Mehdi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, écoute, évidemment, Rapjeu, qui continue. A priori, il n'y aura pas de pause pendant l'été. Oh, et ouais. Oh, c'est une info que je vous donne. Ah, bah, je la prends en pleine gueule. Je suis comme ça. Une exclue peut-être. Et puis, il y a une nouvelle émission sur Apple Music qui s'appelle Le Code, qui est au format audio sur Apple Music et au format vidéo un peu partout, qui est évidemment consacré au rap francophone. Stylé. Voilà. Stylé. Et ça, c'est cet été aussi ça, ouais, je pense qu'on va continuer en tout cas jusqu'à fin juillet, août, je sais pas encore. D'accord. Mais il y aura sûrement au moins la version audio, je pense, en août, ouais. Pour le chant, mais. Voilà. Adrien ? Alors, moi, c'est mon album qui sort. je reprends le concept de Patrick Sébastien qui avait fait un album où il écrivait des chansons en imitant des vrais stars de la chanson, mais avec des youtubeurs qui rappent. Voilà, mais ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. Donc, d'ailleurs, j'ai une question à te poser, est-ce qu'on se ferait pas un FIFA ? Bah on se fait un FIFA, bien ouais, sûr. Ouais, si vous moi, pas, très bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout sinon, cas, les gars. En sérieux, il y a toujours Derby Girl à la rentrée. Derby Girl à la rentrée. Slash. Et twitch.tv/. Ouais, oh, je suis partenaire. Puisque moi aussi, chômage pas mal. Du coup, je suis allé sur Twitch et je suis partenaire maintenant. Ça veut dire quoi Twitch? Ça veut dire quoi, ouais, ça? J'y connais rien. Je sais pas, c'est comme en gros, c'est comme être vérifié sur Twitter, tu vois. Ok, mais est-ce que tu gagnes de l'argent de ça ou... Ouais, un peu. Ouais. Ok, super, tu le mérites. Mais... Oh, arrête. J'ai envie de te couvrir d'or. Paye mon loyer. Ah bah, c'est ça le plus important. Ah, mec. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bisous, ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast.